You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Hello, hello, hello, hello. Bonsoir. Ici Jean-François Tremblay, bienvenue au nouvel épisode d'Horreur Gamer, l'épisode 106. Pas une grosse équipe à soir, Seb est pas là encore, elle s'occupe de sa petite famille comme d'habitude. Steven a attrapé la fièvre des Oscars. Il est pas là ce soir, on enregistre ce soir des Oscars. Donc, avec moi, j'ai la charmante Vicky. Salut Vicky! Hey, salut! C'est pas mal ça! C'est toi et moi ce soir, un duo. Ouais, c'est juste nos deux. Puis on parle de films qu'en fait c'est les gars qui ont proposé, fait que les autres gars. On parle de ce soir de Mom and Dad, film de 2018 avec Nicolas Cage puis Selma Blair. Ça vient de sortir, je pense, en DVD. Ça vient juste d'être ça, c'est louable, je pense. On peut le louer. Puis une proposition de Steven, The Stepfather de 1987. Avec le gars qui faisait Locke dans la série Lost. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Fait que... Ben, moi, sa face me disait de quoi, mais j'étais pas de la replacer. J'ai pas vu la série Lost, mais j'ai vu tellement de pubs. Parce que c'était à Radio-Canada, hein. Fait qu'on voyait comme l'épisode de la semaine. Fait que j'ai tellement vu de films, là. De pubs, je veux dire. Il était dans quasiment tous les épisodes, là. Fait que... Ouais, mais c'est ça. Et il a été dans. Ah non, c'est beau. Je veux dire, il était dans le film de X-Files, mais juste un petit rôle. Il était. Le film de X-Files. Il y en a eu deux, le premier. Ok. Anyway, fait qu'on parle de ces films-là, c'est sur des familles. Des films de famille, oui. Des films de famille, films familiaux, petits films familiaux. Mais avant ça, j'aurais voulu parler, faire un petit tour de table. T'avais-tu des choses dont tu voulais parler avant qu'on embarque sur les sujets? Non, j'ai eu la chance de voir The Thing sur mon écran de 15 pieds à la capsule. C'est fucking awesome! Ce film-là, en écran géant, est incroyable, guys. Incroyable. Faut se savoir au moins une fois dans sa vie. Vraiment. Pis ça, c'est pas le genre de prequel qui a été fait en 2011. Là. C'est Non, okay. On parle vraiment de celle-là de John Carpenter. Ok. Alors vraiment, là, à voir sur l'écran géant, ça arrête pas. C'est incroyable. Cool. T'as-tu des attentes par rapport aux Oscars ce soir? Ah, pas en tout. J'ai arrêté de suivre ça. Moi, je te dirais, quand il y a eu le. Je me souviens plus, The King's Speech. Quand The King's Speech a tout raflé, ou en tout cas, il y a eu le meilleur film de l'année, j'ai fait oh, que c'est plus moi, ça, les Oscars, ça ne me parle pas. Fait que j'ai arrêté à partir de ce moment-là de suivre. Je pense que cette année, il y a quand même beaucoup de films différents et originaux en liste. Mais, tu sais, il serait capable de nous trouver une biographie avec Tom Hanks, puis il donne les meilleurs films de l'année quand même. Fait que. Non, vraiment, là, ils m'ont découragé assez rapidement sur leur choix conventionnel. Quand t'écoutes les films qui gagnent, souvent, c'est pas des super bons films. C'est pas des films qui ont bouleversé grand chose. Puis souvent, tu regardes les autres films en liste, puis ils ont passé à côté de quelque chose complètement. Fait que, non, moi, ça ne me parle plus. Toi? Je pensais que ça te parlait, toi aussi, mais avant. Ouais, ben c'est ça, je les ai suivis pendant longtemps, les Oscars, mais ça m'intéresse moins, puis je regarde plus vraiment les films. Fait que, tu sais, je regarde la cérémonie, puis je peux plus suivre vraiment parce que j'ai pas vu les films. Puis avant, j'étais vraiment plus à jour que ça. Mais cette année, il y a quand même Get Out qui est en nomination, puis vu qu'on est un podcast d'horreur, faut le mentionner. Puis il y a le film de Guillermo del Toro aussi, The Shape of Water, que j'ai pas vu, mais je. T'sais, connaissant Guillermo, il flirte tout le temps avec l'horreur et la science-fiction, fait que je sais pas exactement c'est quoi le film, mais c'est ça, t'sais, c'est quand même faut quand même souligner que ces films-là ont été nommés par par l'Académie. Je pense pas qu'ils vont nécessairement gagner des grands prix, peut-être pas, en tout cas peut-être Shape of Water, je pense qu'il y a un bon buzz là, mais Get Out, ça me surprendrait que ce soit nommé meilleur film là. Ouais, mais tu sais, comme tu dis, Shape of Water, faudrait voir est-ce que le labyrinthe de Pan était aux Oscars. Je penserais que oui, mais ça me semble. Je sais pas. C'est juste parce que je me dis, tu sais, c'est comme facile acclamer un réalisateur après ses succès. Ouais, c'est pour ça que je dis, les Oscars sont vraiment plus à l'avant-garde, là. Tu sais, c'est conventionnel, facile, il n'y a plus de surprise, là. Tu sais, je veux dire, ce qu'on parle des Oscars des dernières années, c'est les bévues, quand ils se trompent de gagnant. Oui, c'est vrai. Ou quand le monde a l'air épais, ou les discours poignants, parce qu'il y en a toujours un, peu le importe selfie, le gala. Le selfie façon. Avec Ellen DeGeneres et toute la gang. C'est ça. On parle plus des films. Oui. Les films, ça n'intéresse plus l'industrie. Fait que non, moi, je suis pas... Je suis pas 100% willing pour cette histoire-là d'Oscar. J'aurais aimé ça que Steven soit là pour le défendre, mais en même temps, il est en train d'écouter la cérémonie. Mais tu sais, lui, il serait pas tout à fait d'accord, je pense, là. Moi, je suis plus tourné vers la TV maintenant, fait que le cinéma m'intéresse moins un peu, là. Ouais. Mais moi, c'est juste les cérémonies de prix tout court. Ouais. Quand c'est rendu télévisé, c'est parce que pour vrai, on va chercher quelque chose. Il y a des annonceurs, hein, fait que... C'est sûr. Ben, tout est une question d'argent aussi. C'est ça, exactement. Bon! Oui, fait donc, que... tu m'as demandé en début d'année, tu m'as souhaité, en fait, te lancer comme nos résolutions, quelque chose comme ça, des souhaits pour l'année, puis tu voulais que je vous propose plus de romans, puis de faire comme ça, des trucs d'horreur. Fait que depuis qu'on s'est parlé, j'en ai lu deux romans qui se classent un peu dans l'horreur science-fiction. Ben, il y en a un qui est totalement horreur, puis je vais parler de lui en premier, parce que t'as vu le film, puis j'ai vu le film aussi. The Ritual. De Adam Neville. C'est un roman écrit en 2011. Je connaissais rien de ce roman-là avant il y a quelques semaines. C'est parce que j'ai vu l'annonce sur Netflix du film. J'ai vu la bande-annonce. Puis la bande-annonce m'a attiré par son histoire, par ses acteurs. Je connaissais deux acteurs dans la gang. Puis c'est ça, en gros, c'est l'histoire de quatre gars qui sont en vacances... En Suède, puis qui décident de prendre un raccourci dans le bois pour arriver plus vite à leur destination. Et ben ça va juste foirer leur affaire, leur plan, parce que c'était pas la bonne décision à prendre. Puis je peux pas trop en dire. T'sais, la bande-annonce révèle pas grand-chose. T'sais, on voit des genres de symboles, des runes en anglais, je sais pas comment ça s'appelle, des runes en français aussi, mais je me souviens plus du nom en français. Mais des genres de symboles de druidiques ou je sais pas trop quoi sur les arbres, des trucs comme ça. Il se passe des choses bizarres dans la forêt, là, tu sais. Puis la bande-annonce était stressante, puis ça. Puis tu sais, j'ai appris pas longtemps après que c'était basé sur un roman, puis je me suis dit, ben tiens, regarde, je vais. Pour le fun, je vais lire le livre avant de voir le film. Puis. Ça n'a pas été long, là. J'ai commencé à lire, puis après, je sais pas, 4, 5, 10 pages, j'étais déjà stressé. Tu sais, c'est super bien écrit. J'ai vraiment adoré ce livre-là. J'ai trouvé là, que c'est, de toutes mes lectures dans ma vie, puis j'en ai quand même lu pas mal des livres, c'est pas mal, peut-être le livre le plus stressant, le plus... qui m'a mis dans un genre de mood là, d'horreur, là, comme j'ai jamais été en lisant un livre. J'étais ici, dans le sous-sol, puis... Il y a un divan ici qui était au milieu de la pièce, fait qu'il y a un grand espace derrière. J'étais en plein jour, en plein après-midi, le bébé dormait, j'étais en train de lire dans mon livre, puis je me checkais, je checkais au-dessus de mon épaule derrière moi, tu sais, j'étais comme super nerveux. Je lisais le soir avant de me coucher, puis là, je dormais mal, tu sais. J'étais super sensible à tous les sons dans la maison, puis tout, puis c'est pas ça qui se... Tu sais, le livre se passe pas dans une maison ou quoi que ce soit, ça c'était pas lié à ce que je vivais, mais ça m'a tellement rendu... Ça crée tellement un sentiment de malaise, ça m'a rendu tellement, c'est ça, stressé, nerveux, effrayé. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien écrit. Puis tout le long du livre, j'avais hâte de voir le film. À chaque fois que j'avais lu genre 50 pages, je retournais voir la bande-annonce, j'essayais de voir des nouveaux éléments dans la bande-annonce que j'avais pas remarqué, puis que maintenant j'avais lu, puis j'étais comme, ça peut, j'essaie de reconnaître des choses, là, puis j'avais hâte de voir le film. Là, ben c'est ça, on l'a regardé hier soir, moi et ma blonde, elle m'avait dit de l'attendre avant de le voir, fait qu'on l'a vu hier soir. Puis pour moi, ça a été une déception. On a fini le film, ma blonde a fait « Moi, bof ». Puis moi, j'ai fait « Moi, j'allais dire « me », c'est « M-E-H », « me ». Parce que c'est vraiment pas à la hauteur du livre. C'est un bon petit film de créature, un petit film de monstre, mais c'est pas... c'est pas le livre. Puis c'est dommage parce que le livre est vraiment meilleur que ça. Puis ils ont pris la situation, ça suit dans les grandes lignes, les grosses lignes marquées au crayon feutre. C'est vraiment le... Alors, ils ont changé beaucoup de détails. C'est juste la grosse trame narrative de base qu'ils ont suivi. Mais ça, ils ont changé tellement de détails. T'sais, dans le film, il y a toute une backstory avec deux des personnages qui vont s'acheter de la boisson. Il y en a un qui se fait battre, qui meurt. L'autre se sent coupable tout le long du film après ça, t'sais, de la mort de son ami. C'est pas dans le livre, ça. Ah, non? Non. Puis ça me tanné dans le film. J'étais comme, OK, j'étais là, j'écoutais le film, je me disais, je comprends pourquoi c'est là. C'est plus simple d'expliquer la relation des personnages en créant ce conflit-là. Mais dans le livre, c'est plus complexe que ça. Puis j'aimais plus le livre parce que c'était plus... c'était moins... Mais tu sais, un ami qui meurt dans un genre de SAQ, ça arrive pas tous les jours. Dans le livre, ce que je retrouvais, moi, je retrouvais quatre gars qui ressemblaient à des gars que j'avais connus. Puis le personnage principal, moi, je m'identifiais à lui. Parce que son conflit dans le livre, en gros... C'est que c'est un genre de gars qui a jamais trouvé sa place en société. Il vit des one night tout le temps. Il s'est jamais marié. Il a pas d'enfant. Il a pas de job stable. C'est un grand adolescent encore. Puis ses chums lui en veulent un peu pour ça. Puis lui, il en veut à ses chums d'être devenus des pères de famille, d'être devenus des gars plates puis sérieux. Puis d'avoir pris du poids. Puis d'être laissé vieillir avant le temps. Puis il y a tout ça. En tout cas, c'est assez complexe. C'est pas dans le film, non. C'est pas dans le film. C'est pas dans le film. On les connaît pas dans le film. Puis je trouvais ça dommage parce qu'on connaît pas les personnages. Comme je dis, il y en a un, tu sais... Lui, Luke, le personnage principal, il regrette que ses chums se sont laissés vieillir. Il y en a un qui est gros dans la gang. Mais dans le livre, dans le film, on trouve pas ça. C'est le gars qui est plus basané dans le film. Dans le livre, ce gars-là, il est supposé être gros, puis il ralentit tout le monde, puis ça frustre Luke, le personnage principal. Ça le met vraiment en colère. T'sais. Puis l'autre qui se plaint tout le temps, Dom, ça, c'est lui qui ressemble peut-être le plus à son à la version du livre. Puis la créature dans le livre est là, mais elle est plus suggérée, en fait. On sait ce que c'est à la fin du livre. On a pas mal une bonne idée de ce que c'est, mais elle est moins détaillée, moins... Ouais. Ils ont vraiment focusé là-dessus dans le film. Puis tu sais, je comprends aussi pourquoi ils ont voulu faire ça. Ils ont voulu prendre les éléments de base du livre puis faire un film vraiment de monstre, de créature, puis enlever le côté un petit peu plus psychologique puis tout ça. Puis c'est sûr, ça se vend mieux puis ça fait un bon petit film de créature. Mais pour quelqu'un qui a lu le livre puis qui s'attendait à une adaptation plus fidèle, c'est décevant, je trouve. Moi, en bout de ligne, ça m'a déçu. Quoique c'est bien acté, c'est quand même beau, c'est joli. Tu sais, il y a des beaux plans puis tout, c'est joli, c'est bien réalisé. Puis tu sais, tu passes quand même un pas pire moment, là, tu sais, c'est pas long en plus, c'est 1h34, je pense. Mais c'est pas le film auquel je m'attendais, j'étais juste déçu. Puis ça, ben, tu sais, je savais que je prenais le risque en lisant le livre d'être déçu par le film, c'est tout à la risque, mais des fois, tu peux être surpris, tu sais, mais pas dans ce cas-ci. J'ai pas été surpris, j'ai été vraiment déçu, fait que... C'est ça, c'est... Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que toi, t'en as pensé. Ben, moi, j'ai pas lu le livre, comme je te dirais, la majorité des gens, parce que c'est ouais. Ça qui arrive, les films pop sur Netflix, puis, tu sais, y a pas de la publicité pré-film, hein, sur Netflix, c'est le film, puis là, ils mettent full d'argent, full de temps, pour que tout le monde ait envie de le voir. Fait que tous les groupes d'horreur s'en emparent, puis c'est à qui le premier qui va sortir sa critique. Moi, je l'ai vu en sachant pas du tout à quoi m'attendre. C'est sûr qu'avec le titre de The Ritual, je m'attendais à quelque chose. Plus quelque chose au niveau d'une sorcière ou quoi que ce soit. Fait que quand que les scènes dans le chalet ou tout ça, quand ils ont l'air à paniquer, ça m'a vraiment, vraiment intriguée. Et finalement, ça finit par être un film de créature. Fait que j'ai été totalement surprise parce que je l'ai pas vu venir, le film de créature. Je m'attendais vraiment plus à un film de sorcière. Fait que j'étais vraiment contente que ça soit une forêt hantée, mais comme pour vrai. Oui, c'est vrai que les personnages sont peu développés et en plus, on comprend pas ce qui leur arrive, hein. Tu sais, je veux dire, quand je dis qu'ils commencent à virer fou dans le chalet, puis ils ont l'air à manquer des bouts, puis ils ont l'air à mais on n'a pas compris ce qui leur arrivait. Ils ont-ils été drogués ou quoi? Moi, ça, je l'ai pas... Peut-être que c'est dit, mais moi, je l'ai pas saisi du tout dans le film. Fait que je trouve que le film manque beaucoup d'informations. J'ai su hier, en parcourant des titres, que c'est une adaptation littéraire, puis ça m'a donné envie de le lire, mais t'es la première personne que je croise qui l'a lu. Souvent, sur les groupes, les gens disent « Ah, c'est un livre, mais je l'ai pas lu, puis da, da, da. » Mais là, non seulement tu me donnes envie de lire, mais en plus, c'est que je sens que c'est pour ça qu'il y a des ellipses et des manques d'informations, comme si le film basait beaucoup d'espoir sur la lecture du livre en parallèle. J'ai ce feeling-là, ces temps-ci aussi. Je m'excuse, mais garde ton idée. C'est juste que je disais, c'est ça qui arrive des fois. C'est le scénariste qui inconsciemment a rempli des trous dans sa tête. Il comblait les trous avec ses connaissances du livre, mais il se rendait pas compte qu'il les a pas comblés dans le film. Je sais pas. Peut-être que. C'est ça. J'ai comme un feeling depuis quelque temps que beaucoup de films d'horreur, vraiment les films d'horreur, s'adressent aux fans d'horreur. Puis s'adresse vraiment aux gens qui... On dirait qu'on sait que les gens vont en discuter. Tu sais, comme... On dirait qu'un drame, une comédie romantique ou un biopic, on les écrit pas en se disant « Les gens vont en parler, ces forums. » Mais un film d'horreur, on dirait que... sont souvent construits en disant « On va laisser des trous, c'est pas grave. Les fans d'horreur aiment ça élaborer. Les fans d'horreur aiment ça jaser entre eux puis remplir les vides. » J'ai l'impression qu'on donne beaucoup de liberté aux fans d'horreur quand on crée les films, mais moi, ça me déçoit un peu parce que j'aime arriver dans un univers puis le connaître de A à Z par rapport à ce qui est dans l'écran. Ça me déplaît un petit peu, mais je le sens sur plusieurs films que j'ai écoutés dernièrement, qui sont sortis récemment, comme si la diégèse du film était externe au film en lui-même, puis je trouve ça un peu déstabilisant. Fait que, mais, tu sais, quand t'aimes quand t'écoutes, entre autres, The Ritual, je pense que tu peux quand même avoir du plaisir pour ce film-là. Oui. Mais c'est un film d'après-midi. C'est pas un film de nuit avec des amis, les rideaux fermés avec sa doudou. Je pense pas qu'il soit efficace dans cette façon-là. Je pense que c'est un film qui s'écoute seul. Je me suis rendu compte aussi, tu sais, avec les films d'exorcisme. Beaucoup de films d'exorcisme ne fonctionnent pas en groupe. Ça fonctionne seul avec soi-même. Puis je pense que The Ritual, c'en est un. Un film qui fonctionne quand t'es seul pour l'écouter. C'est possible, oui. Ben, t'es pas dans le couple, là, mais... Ouais. Mais tu parles des fans d'horreur, des groupes de discussion. Moi, comme je te disais avant l'enregistrement, je me tiens loin de ça maintenant. Puis je regarde ça un petit peu en souriant, les gens qui veulent absolument voir les films à minute qui sortent. Puis, c'est ça. Cette course-là, là, je la trouve ridicule. C'est pour ça, peut-être aussi, que par volonté de faire le contraire du monde, que je me suis dit, ben, je vais aller lire le livre avant. T'sais. Je vais prendre le temps de lire le livre, de m'asseoir, t'sais, puis de lire ça. C'est quoi? C'est 400 pages, là, pour elle. Là. C'est 415 pages. C'est rien, là, t'sais. Ouais. Puis ça se lit super vite. C'est des petits chapitres de rien du tout. Puis je te dis, les 250 premières pages, là, toute la partie dans la forêt, là, c'est... J'étais rivé à mon livre. Là. Je lisais en déjeunant le matin, en dînant, n'importe quand. Je lisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fou, hein, quand tu penses que c'est un film que t'as pogné au hasard. Oui. Puis que tu allais aimer comme ça. La bande-annonce est efficace. C'est la bande-annonce qui m'a vendu. Puis l'acteur principal, je le connaissais. Puis celui qui fait Hutch aussi, son meilleur. L'autre qui est comme le leader du groupe, je le connaissais aussi. Dans Downton Abbey, c'est un bon acteur. OK. Mais fait que ça m'intéressait de voir. Puis, je sais pas, j'ai juste checké dans ma. Sur le site internet de ma bibliothèque, j'étais voir, il est là, ben, je vais l'emprunter. C'est ça. Je me cherchais de la lecture à ce moment-là, puis je me dis, tiens, je vais. Puis t'as bien ça. Tombé. Ben oui. Mais non, tu sais, c'est ça, c'est le problème avec ces groupes d'horreur-là, c'est qu'il y a une course au premier qui va sortir sa critique, au premier qui l'a vu, au premier qui va enregistrer son podcast. C'est le même. Pour t'sais, Cloverfield, là, c'était agressant, là. J'allais parler de ça, je voulais justement mentionner ça, parce que quand il est sorti, puis après ça, tout le monde a fait son podcast, sa critique, tout ça. Puis là, à un moment donné, Jean-Steven, il me dit, une semaine ou deux après la sortie du film, bon, il dit là, mais tu sais, Cloverfield, le buzz est passé déjà. Je suis comme, est-ce qu'on est rendu dans un monde de fou, là, que deux semaines après, le buzz du film est passé, puis tout, puis mais... C'était agressant, là. Tout le monde avait son opinion sur Cloverfield. Tout le monde. J'étais comme, mais voyons, tu sais, laissez-vous le temps. Mais non, on se laisse plus ce temps-là. C'est incroyable. T'sais, The Ritual, ça a été ça. T'sais, si tu vois le film dans 6 mois, ça va changer quoi? Si tu vois le film dans 6 mois, ça va changer quoi? J'en ai aucune idée. Mais là, le buzz, là, c'est Véronica qui vient de sortir sur Netflix. Oui, c'est vrai. Puis là, c'est le buzz. Mais dans 2 jours, ça va en être un autre. Puis tu sais, je trouve que ça ne donne même pas le temps de digérer. Puis souvent, ce qui est dommage aussi, c'est que ceux qui font des publications Facebook, c'est tout le temps négatif en plus. Tu sais, puis moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'ils voulaient tellement sortir leur opinion vite, vite, vite, qu'ils n'ont pas pris le temps de digérer le film, de l'analyser, de le ressentir, de voir qu'est-ce qu'ils en ont tiré. Tu sais, il y a des films comme ça. Le meilleur exemple, c'est The Forest. Il vient d'arriver sur Netflix, mais il est sorti il y a à peu près 3 ans. Moi, je l'ai écouté l'an dernier. J'avais trouvé ça bon, tu vois. Puis sur le coup, j'aurais dit, hey, c'est un film à voir, ta, ta, ta. Puis là, ma partner, Sophie, elle l'a écouté aujourd'hui, puis elle a dit, t'as-tu aimé ça? J'ai dit, hey, sais-tu, je m'en souviens quasiment plus. Donc, ce film-là a un impact à court terme, mais à long terme, on l'oublie. Oui. Puis ça, je me rends compte aussi, le film Sinistre, le premier avec Ethan Hawke, ça doit faire 3 fois que je l'écoute, ça fait 3 fois que je l'oublie. Puis je l'aime quand je l'écoute, là, il fait des bons jumpscares dans l'histoire, mais 2 mois plus tard, je l'oublie complètement. Mais ça, ça a un impact dans une critique, ça a un impact sur un effet de film. C'est sûr. Tu sais, puis je pense qu'on oublie de se laisser habiter par un film. Puis c'est pour ça que ce soir, ça va être poche comme podcast, parce que je l'annonce d'emblée, les 2 films, je me souviens de rien ou presque. Je me souviens des feelings que j'avais avant de les écouter, mais j'ai aucune scène qui m'a marqué ou presque. Puis ça, ça a un impact sur une critique, ça a un impact sur une réflexion. Qu'est-ce que tu retiens du film? Tu sais, puis si tu retiens pas une envie de le réécouter, ben c'est un échec, mais ça, c'est important. Oui, je me dis, il y a beaucoup... Ça me fait réfléchir qu'il y a beaucoup... Ça me donne le goût de dire qu'il y a beaucoup de cinéma jetable, je pense. Puis puis je suis pas... je suis vraiment pas contre les services de streaming parce que je m'en sers beaucoup, comme Netflix et tout ça, mais ça crée un peu ce phénomène-là, veut pas... Oui. Vu qu'ils droppent les films sans préavis, les gens se garochent là-dessus. Hey, « ça vient de sortir, faut que je le voie absolument ce soir! » Puis... Mais non, t'es pas obligé. Tu peux l'écouter dans 6 mois, ta vie va être la même. Là. C'est pas grave. Là. Mais c'est le fear of missing out, le FOMO. Ah, oh, man. Oui. C'est épouvantable. C'est ça. C'est de pas être à jour avec tes autres amis et tout ça. Ce que ça fait, c'est en télé aussi, on le voit, c'est que ça fait souvent des saisons 2 boboches. Oui. Tu sais, le nombre de séries dont la saison 2 est pas à la hauteur de la saison 1, c'est qu'on s'est tellement pressé à la sortir. On a tellement voulu tout de suite donner quelque chose pour profiter de la vague, puis ça se voit dans l'écriture, ça se voit dans le rendu. Je sais seulement pour la série Omerta, je sais pas pour les autres, mais il y a Game of Thrones, mais vu que je l'écoute pas, ben Omerta non plus. Mais Omerta, c'est parce que j'avais écouté une entrevue et les gens disaient, tu prends beaucoup de temps entre chaque saison, t'as pas peur de perdre des gens, des auditeurs. Et si je me souviens bien, c'est Luc Dionne, celle-là aussi, Omerta, puis il disait, non, parce que au pire, les gens sont capables, maintenant on les met sur la télé on demand avant de sortir un autre, même dans le temps, tu sais. Oui. Puis il dit, ou sinon, ben on va demander, mettons, à TVA ou à Radio-Canada de remettre la saison précédente ou 2 épisodes avant de nous relancer. Puis il dit, mais ça me donne le temps, moi, de construire mon récit. Ça me donne le temps à mes personnages d'accepter leur destin que je leur écris, puis de le travailler, puis de le jouer, puis de pas le forcer. Puis c'est hyper important, ça, je trouve. Puis lui, il disait, puis je pense que Game of Thrones aussi joue là-dessus, de vous allez attendre parce qu'on n'est pas prêt à le sortir, puis on vous sortira pas quelque chose de rapide fait pour vous sortir quelque chose. Mais regarde Westworld que j'écoutais à l'automne 2016. L'automne 2016, ça a fini en décembre 2016, puis on dit, ben on n'en revient pas avant 2018. Puis là, ben il n'y a pas encore de date, là, c'est genre mi-2018, peut-être au printemps, je ne suis pas trop certain, là, mais... Peut-être il y a quelques teasers. Il y a quelques teasers qui sortent pour dire inquiétez-vous pas, on travaille, mais on peut pas, après vous avoir donné ça, vous donner quelque chose d'en bas de ça. Puis c'est important à comprendre, tu sais. C'est ça. En bout de ligne, ça va être quasiment 2 ans entre les saisons. Puis je m'en fous, c'est pas grave. Il y a tellement d'autres choses à écouter anyway. Puis il y a tellement d'autres choses à faire, tu sais. La vie s'arrête pas à cause d'une série, là. Puis c'est tant mieux s'ils prennent le temps de faire ce qu'ils veulent faire, tu sais. Ben, c'est pour ça que je dis qu'on va souvent être d'accord aujourd'hui, parce que je suis vraiment d'accord avec ça. Cette idée que on a un certain temps dans une journée, dans une semaine, pour nos activités culturelles. S'il faut en plus se mettre de la pression pour avoir tout vu puis connaître tout, ça a juste pas de bon sens, tu sais, ça a pas de bon sens. Puis si on juge les autres aussi par leur connaissance, ça marche pas. Tu sais, moi, je juge par les connaissances, là, je suis la première. Oui. Mais c'est que ce qui me dérange, moi, c'est quelqu'un qui s'auto-proclame connaître quelque chose quand il connaît rien, là. Ça vient me chercher, là. Oui. Moi, je pourrais jamais me proclamer connaisseuse de musique. Je pourrais jamais dire je suis une référence dans la musique québécoise post-2015. Genre, en aucun cas, je pourrais faire ça. Mais en cinéma, beaucoup s'autoproclament connaisseurs parce qu'ils ont vu, mais ils se sont pas arrêtés à analyser, à comprendre, à chercher. Puis ils voient comme de la boulimie, là. Tu sais, ils absorbent. C'est la quantité au lieu de la qualité, là. Oui! Puis ils prennent pas le temps, puis quand tu leur demandes ouais, mais qu'est-ce que t'as pensé? Ah, j'haïs ça. OK, mais pourquoi? Ah, je sais pas, mais j'ai pensé à l'autre après, tu sais. Ouais, ça, c'est vraiment l'époque où on est, où un film a de la difficulté à venir percer notre cerveau. Ouais, puis je pense que la course à voir des derniers films tout le temps, tu sais, ça me dégoûte vraiment. Fait que j'ai comme arrêté de vouloir voir des nouveautés à tout prix. Puis je suis vraiment devenu monsieur lecture là, depuis un an et quelques. J'enclenche les livres à tout bout de champ. Puis non, j'aime mieux prendre mon temps. J'aime mieux m'asseoir puis lire un bon livre que d'essayer de voir la dernière nouveauté en film. Je suis plus là-dedans. Là, ça me tente plus pas en toute la course à voir les dernières nouveautés. Là, fait que, ouais. Je sais, moi, tu sais, je ne juge pas personne nécessairement qui le fait, là, mais je trouve un peu... je trouve que... Peut-être parce que je vieillis, mais je trouve que le monde a un rythme trop effréné. Là, fait que, maintenant, il faut que tu prennes un break. Il faut que tu mettes le pied sur le break puis dire « OK, moi, je relaxe un peu. » Ouais. Puis, tu sais, je me rends compte aussi qu'on prend pas le temps de jaser des films. Tu sais, je le fais souvent à la capsule. Puis, il y en a que, tu sais, c'est pas le même discours que tu vas avoir sur Facebook qu'en vrai. En vrai, tu vas prendre le temps d'élaborer, tu vas prendre le temps de dire les choses, mais dans les groupes Facebook, ce qu'on déplorait, Seb et moi, aujourd'hui, c'est qu'il y en a gros qui disent « Ah, c'est de la marde, sans nuance. » Puis, quand on leur demande de nuancer, c'est tout le temps « Ben, j'ai pas à te donner de l'information, je te le dis que c'est de la merde, c'est de la merde. » Ben, non, justement, parce que si tu considères que quelque chose, c'est de la merde, on aimerait savoir plus d'informations. Puis, tu sais, tu prends la peine d'écrire. Puis, j'ai vraiment quelqu'un qui a répondu, « Ben, voyons, on n'a pas rien que ça à faire sur Facebook, élaborer nos opinions. » Ben, pourquoi t'as pris le temps d'écrire un statut si t'as pas rien que ça à faire, élaborer ton statut? Ben, on t'a rien demandé, là. Il y a personne qui t'a couru après pour avoir ton opinion. Puis tu nous la crises d'en face sans l'expliquer, sans la déterminer. Puis après ça, quand on te demande d'avoir plus de détails, tu nous dis juste, ben moi, c'est mon opinion, c'est de même le cinéma, puis j'ai le droit. C'est comme, ben oui, t'as le droit d'avoir cette opinion-là, on t'enlève pas ce droit-là. On te demande d'élaborer, on te demande de donner une opinion réfléchie et éclairée. Pis, tu sais, il y a vraiment quelqu'un qui a répondu à Seb, je m'en crisse, moi, de la lumière, de la direction d'acteur, pis toutes ces astignaiseries-là. Si j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ouais, mais à ce moment-là, ne t'exprime pas. Je suis désolée de te l'apprendre. Pis là, je me suis fait traiter de snob, là, mais. Ouais. Mon problème, c'est pas que t'aies une opinion, c'est que tu l'exprimes comme si elle avait une valeur déterminée parce que c'est une opinion. Point final. Ton opinion n'a pas de valeur dans l'univers. Je suis désolée de te l'apprendre. La mienne n'en a pas plus. La tienne n'en a pas plus, Jeff. Non. Mais si au moins on est capable de l'étaler, ben au moins on vient d'augmenter, on vient de donner une épaisseur à cette opinion-là, qui n'est pas seulement, ben moi je m'en crisse puis j'aime pas ça, mais j'ai le droit de m'exprimer parce que c'est Facebook. Oui, oui. C'est si peu intéressant. Mais alors ça, c'est qu'on peut avoir... La critique en 2018 sur les réseaux sociaux, c'est ça. C'est... En plus, il y a tellement de gens qui chialent sur les critiques professionnelles quand ils voient ce qui est dit, ce qui est recensé par Rotten Tomatoes ou peu importe. Puis il y a plein de gens qui prennent pas le temps du tout de lire des critiques professionnelles, justement, des critiques de la presse écrite ou tu sais ça, des vrais médias. Il y a tellement un mouvement anti-média anyway depuis Trump et tout ça, là, fait que les gens ont plus confiance en personne, puis tu sais, en plus, là, je fais un gros amalgame de toutes sortes d'affaires, mais il y a tout l'anti-intellectualisme en général de la population, fait que les gens sont comme... Ouais. C'est ça, ils te traitent de snob si t'écris des trop gros mots, si ton opinion est trop élaborée, là, ils vont te trouver trop... tu fais trop ton intelligente, là, puis t'es snob. Ouais. Là, mais c'est pas ça, tu sais, puis je suis le premier à m'enfarger dans mes mots tout le temps quand j'essaie d'expliquer ce que je pense d'un film, mais je l'essaye, puis tu sais, moi, je sais pas, j'ai vraiment un grand respect pour la critique écrite et la critique élaborée, tout ça. Je m'ennuie énormément de Roger Ebert parce qu'il faisait tout le temps des textes. Même si le film était poche, il faisait un long, long texte. Mais il y en a plein encore qui le font. Puis je suis un petit peu élitiste parce que je suis plus intéressé par la critique professionnelle que la critique YouTube ou la critique sur Facebook. Là, mais même si, regarde, je suis là et je suis en train de faire un podcast. Là, mais, ouais. Mais ça, c'est moi. Je préfère donner plus de valeur aux journalistes professionnels, mais ça, c'est moi. Mais, mais c'est ça, je trouve qu'il y a du monde qui sont chialeux, puis qui comprennent plus vraiment le rôle de la critique, puis c'est comme tu dis, là, c'est comme, ah, c'est mauvais, puis on passe à d'autres choses, là, moi, parce que j'ai décidé que c'était mauvais. Ouais. Puis, tu sais, la personne la plus intéressante pour cette conversation-là, c'est Steven. Steven, je sens qu'il n'est pas à l'aise avec un média écrit. Fait que Steven, il écrit jamais ses groupes d'horreur, si c'est bon ou si c'est de la merde. Ouais. Parce que tu vois qu'il est pas à l'aise à élaborer par écrit. Puis souvent, j'y ai parlé de films par Messenger et il répond avec des demi-phrases, des demi-mots, des bonhommes sourires. Il répond très, très peu par écrit. Mais Steven, c'est une bible de connaissances. Puis quand il est en podcast puis qu'il passe sur un sujet, il connaît en sacrement son sujet. Vraiment? Fait que Steven, pour moi, c'est un exemple, un bon modèle à suivre parce que sur les réseaux sociaux, il t'envahit pas de critiques mal construites. Il dit, moi, je garde ça pour le podcast. C'est son média. C'est le média avec lequel il est plus à l'aise. C'est le micro. Il dit souvent les films qu'il écoute sans jamais donner de critiques. Puis quand on lui demande juste, es-tu bon? Ben, souvent, il dit oui, non, bof, ou on va en parler. Tu sais, fait que moi, j'aime beaucoup Steven sur les réseaux sociaux. Souvent, il réserve ses opinions aussi pour le podcast. Il veut juste pas les écrire aussi parce qu'il réserve... qu'il veut pas vendre la mèche, tu sais. D'un fois, il fait les photos des films qu'il écoute le soir. Puis c'est pas des films qui vont être critiqués. Mais moi, je sens que Steven n'est pas à l'aise avec le média écrit. Et il fait exactement ce que je dis qu'il faut faire. Si ton but, si t'es pas à l'aise à développer ton idée, écris-la pas. Puis Steven, il a compris ça. Il n'est pas à l'aise à développer une idée par écrit. Ben, il l'écrira pas. Tu sais, je me souviens de la conversation décousue qu'on avait eue sur The Wailing. Oui. Je comprenais pas où il s'en allait parce qu'il me répondait par des demi-phrases alors que j'écrivais des gros paragraphes. Puis ces demi-phrases ne voulaient pas dire grand-chose. On n'a jamais parlé en podcast. Mais je sais qu'il apprécie le film. Mais je voyais que ça ne tentait juste pas d'élaborer. Point. Puis c'est correct, je respecte ça, parce que rendu là, élaborer ton opinion par écrit quand ça te tente pas, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de textes, c'est beaucoup de tapages de mots. Si ça te tente pas, je respecte ça énormément. Puis c'est pour ça que je dis c'est le fun à suivre ces réseaux sociaux, parce que, mettons, à la limite, quelqu'un qui écrit « si ce film-là, c'est de la merde », ben il va dire « ben si t'élabores pas plus, c'est que ça vaut pas la peine de donner ton opinion, t'sais. » C'est ça. Fait qu'il est vraiment intéressant pour ça. Mais tout ça, ça me fait penser à ce que nos parents disaient quand on était plus jeunes. C'est comme, si t'as rien d'intelligent à dire, ferme-toi la gueule. Puis, ouais. Ces réseaux sociaux, c'est la même chose. Si t'as rien, c'est ça. Si tu penses que ton opinion, c'est la vérité suprême, là, ben ta gueule. J'ai vu opinion écrit avec un G. J'ai le droit à mon opinion. Oh! J'étais comme... Ah ben ça, c'est encore une autre affaire aussi, les fautes sur les réseaux sociaux, là, mais... Ben oui, je sais, mais c'est parce que tu peux pas te défendre que t'as le droit à ton opinion en faisant une faute dans le mot opinion. Aïe, aïe, aïe. Le paradoxe ultime pour moi, c'est comme, oh my god. Vu qu'on vient de parler de Steven, je fais juste une petite parenthèse. Allez écouter Séance de minuit. Les derniers épisodes, c'était sur la série Black Mirror, qui est justement sur Netflix. On a parlé de Netflix tantôt. Puis, ils ont critiqué les 6 épisodes de la saison 4. Et c'est très intéressant. C'est 2 épisodes, 3 épisodes de Black Mirror par épisode de podcast. Et c'est très intéressant. Fait que, allez voir. Autre livre que j'ai lu, puis je vais faire ça vite parce qu'on s'étire. Puis on parle pas encore de notre sujet principal, mais j'ai lu, c'est ça, encore la même chose, j'ai vu une bande-annonce d'un film qui sortait au cinéma cette fois-là, Annihilation avec Natalie Portman. C'est du réalisateur Alex Garland, mais je ne connaissais pas sous le coup Alex Garland, j'avais pas vu Ex Machina. Tout ce que je savais, que c'était un film avec Natalie Portman, c'est un film de science-fiction, ça avait l'air intriguant puis tout. Puis je suis un gros fan depuis toujours de Natalie Portman, fait que j'étais curieux. Puis encore là, j'ai vu c'était basé sur un roman. J'ai checké encore sur le site de ma bibliothèque. Ah tiens, le roman est là, 200 pages. OK, c'est rien ça. Fait que je me suis dit, je vais le lire. Puis je l'ai lu en 2 jours, je pense. C'est ça, c'est 200 et quelques pages. Puis c'est de Jeff Vandermeer, ça date de 2009-2010 dans ce coin-là. Non, 2014. Puis c'est le premier livre d'une trilogie, en fait. Puis, c'est ça, Annihilation, c'est l'histoire, en gros, d'une expédition toute composée de femmes qui vont... c'est dur à expliquer, là. C'est une place qui s'appelle Area X, qui a été dénommée comme ça. C'est sur le bord de la mer, sur une côte. Il s'est passé un phénomène qui a comme isolé cet endroit-là. Il y a comme une barrière invisible, barrière étrange, là. Dans le livre, elle est invisible, mais dans le film, elle est visible. Une barrière qui sépare cet endroit-là. Puis, à l'intérieur de ça, il se passe des choses étranges, mais justement, il y a une compagnie qui veut savoir ce qui se passe, fait qu'il envoie tout le temps des expéditions, puis les gens qui reviennent sont zombies un peu, sont comme, pas zombies Walking Dead, mais je veux dire, sont plus okay. Eux-mêmes, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça, Natalie Portman puis sa gang de femmes, il y a une biologiste, une anthropologue, une psychologue, les deux, dans le livre, sont 5, dans le film, sont 4. En tout cas, je me souviens plus les deux autres, qu'est-ce qu'ils font, mais c'est ça, ils vont là, puis ils vont explorer l'endroit et tout ça, puis ben, c'est ça, il y a des trucs étranges qui se passent, puis encore là, je dévoilerai rien, mais le livre, encore une fois, c'est un peu la même chose qu'avec The Ritual, j'ai adoré le livre, je l'ai dévoré, c'est un beau petit livre, je trouvais l'écriture super poétique. On est vraiment dans la tête du personnage qui a pas de nom. Dans le film, elle a un nom, mais dans le livre, elle a pas de nom. Les personnages ont pas de nom, puis ils savent pas c'est quoi les noms, les prénoms des personnes avec qui ils sont, puis c'est correct, c'est normal, ça fait partie de l'expédition. Ils se connaissent juste par leur fonction, biologue, psychologue et tout ça. Puis on est vraiment dans sa tête à elle tout le long. C'est une narration au jeu, si je me souviens bien. Puis c'est une vraie nerd, elle tripe vraiment sur la biologie, puis sur les microbes, les cellules, tout ça, puis elle peut, comme elle explique à un moment donné dans sa vie, avant l'expédition, elle pouvait juste s'asseoir devant un trou d'eau quasiment, puis regarder toute la nature là-dedans, les petites créatures, les têtards, puis toute la végétation, puis juste, en tout cas, elle tripe là-dessus, puis elle observe tout ce qui se passe dans cet endroit-là durant l'expédition, puis... Il y a quelque chose qui se passe dans le livre qui est vraiment le fun, c'est qu'ils vont dans un genre de tunnel souterrain, puis... tunnel, c'est souterrain, je veux pas. Ouais, c'est quoi, peu importe. Ils vont dans un tunnel, puis ils descendent, puis sur un des murs, il y a des mots décrits, puis c'est comme avec un genre de plante, un genre de truc vivant, puis les mots ne finissent pas, c'est une longue, longue phrase qui finit jamais, puis elle a essayé de comprendre le sens de la phrase, puis c'est quoi ces choses-là qui ferment les mots, puis ça, j'étais tellement déçu, c'est pas dans le film, puis j'avais tellement hâte de voir ça dans le film. En gros, le film d'Alex Garland, qui est au cinéma en ce moment, c'est vraiment là qu'ils ont pris, sur IMDb, il y a une quote, il y a une citation d'Alex Garland qui dit « J'ai pas relu le livre, j'ai écrit mon scénario » comme si j'avais fait un rêve sur le roman, t'sais, comme si j'avais rêvé le roman et que j'ai écrit mon scénario comme ça. C'est un peu la situation, pas la situation de base, c'est les mêmes lieux, mais c'est comme si c'était une autre histoire qui se passait dans le même décor. tu sais, qu'on retrouve un peu le visuel du livre, on retrouve, c'est ça, l'endroit, la côte, la mer, tout ça, il y a un genre de phare qui est important dans l'histoire, mais les personnages ne se ressemblent pas, puis ce qui se passe ne se ressemble pas. L'histoire du tunnel avec les mots sur le mur, c'est pas là dans le film, puis j'étais tellement déçu. Puis encore là, on a fait un film de créature. La créature dans le livre, encore là, comme The Ritual, elle est là, mais elle est suggérée. Elle est pas suggérée, mais elle est là, elle est vraiment là, mais elle est moins importante. C'est pas ça qui est important dans le livre. Encore là, on est plus dans les relations, dans dans l'intellect et tout ça, dans la découverte. Puis dans le film, on met beaucoup, beaucoup l'accent sur la créature, ça m'a déçu. La beauté du film, c'est que c'est visuellement très, très beau. Puis tu sais, j'avais vu des critiques dithyrambiques là, sur le film. Quand il est sorti, il y a une semaine ou deux, toutes les critiques dans le monde entier disaient, partout ce qui était sorti, en tout cas, c'était un des meilleurs films de science-fiction des dernières années, des 20, 30 dernières années. La finale égale à, ou presque égale à 2001, l'Odyssée de l'espace, aussi étrange. On compare le film à du Tartovsky, à du Kubrick, à toutes sortes d'autres personnes, tu sais, puis. Oui, mais encore, tu sais, c'est beau, puis le son et le travail sonore est superbe, tu sais, vers la fin du film, il y a une scène où ce que le son est vraiment fort, là, je me disais en regardant le film que les employés de cinéma partout où c'est diffusé, le film, ils doivent détester ce film-là, parce que son est vraiment fort, mais c'est voulu, il y a une raison à ça. Je t'apprends-tu quelque chose en disant que j'aille ça? Oui, mais c'est ça. Je regardais le film puis je trouvais que Natalie Portman, qui est une de mes actrices préférées, c'est la première fois que je me faisais cette réflexion-là, mais elle avait pas sa place dans ce film-là, selon moi. Je trouvais que c'était pas elle le personnage que j'avais lu, puis c'est peut-être elle le personnage du scénario, mais c'est pas elle que je voulais voir. C'est ça, je suis déçu parce que c'est pas le film que je voulais voir, puis... Un jour, je le reverrai peut-être avec d'autres yeux quand je vais avoir oublié le roman. Mais c'est mon erreur encore. Je savais que c'était un risque à prendre en lisant le livre avant. Mais j'ai pas trippé. Je suis sorti du cinéma. J'étais comme, c'est beau. C'est correct comme film. C'est étrange. Il y a des gens dans la salle. Je suis dans un milieu anglophone. Puis il y a des gens dans la salle. J'ai entendu quelqu'un dire, what the fuck? Après que le film soit fini, le générique commence. Mais... What the fuck? C'est jamais bon, ça. Puis le monde s'est sorti un peu en silence. Là, ça se parlait pas bien, bien. Fait que j'étais non, c'est jamais bon, ça. Non. Fait que je sais pas, ça confond les gens. C'est comme les gens, on comprend pas trop. Puis. C'est ça. Dans le fond, j'ai pas mal dit tout ce que j'avais à dire. J'ai été déçu. Puis là, j'ai commencé dans les derniers jours après avoir vu le film. J'ai commencé la suite qui s'appelle Authority. Puis c'est ça. Il y a trois livres, en fait. Puis. Là, je suis content, je retrouve le côté plus poétique et plus sensible, en fait, de cet auteur-là et de ce récit-là que je retrouvais plus dans le film. Puis, je sais pas, je pensais qu'Alex Garland, j'allais l'aimer, mais j'ai regardé Ex Machina avant d'aller voir Annihilation, puis j'ai fait « Ouais! » Je trouvais qu'à la fin du film, j'étais comme... Ok, ça reste pas mal premier degré. Là. C'est l'histoire de Frankenstein puis sa créature. Je m'attendais à quelque chose de plus punché, plus twisté. Tout le long du film, j'étais comme « Ah, je gâche que c'est lui qui est le robot, en fait. Puis je gâche que c'est ça qui va se passer. » Puis non, finalement, ça se passe très linéaire. Puis exactement comme on peut s'attendre à ce que ça se déroule. Là, fait que j'étais comme un peu déçu par la finale. Anyway. Tout ça pour... ça conclut pas mal mon affaire. Là. Je pense qu'on vient de passer une heure là-dessus, sur tout ça. Mais... lisez les livres. Allez lire Annihilation de Jeff Vandermeer puis The Ritual de Adam Neville. Surtout The Ritual si vous aimez les livres d'horreur. Là. Je trouve que moi, ça m'a vraiment rendu nerveux, cette affaire-là. Fait que... Ben, moi, tu me tentes au bout. Là. En plus, moi, tout, je suis dans une bonne passe lecture. Ben, depuis un bon année, j'en lis pas beaucoup, mais quand j'ai le temps, là, j'aime ça. Ça me fait du bien. Il faut prendre le temps, je pense. Ouais. Si possible. Puis laisser la course au film, là, tu sais, laisser ça de côté un peu. Ouais. Ouais, la course à la nouveauté, puis prenez le temps de regarder des films comme... Par le plaisir. Dernier point, tout petit. Oui. Là, puis je veux pas qu'on lance une grosse discussion là-dessus. On le fera peut-être un autre moment donné, mais moi et ma blonde, on se reprend justement. On n'a pas suivi la grosse course, le gros buzz de l'année passée sur The Handmaid's Tale, la série. Oui, mais moi non plus. J'ai pas pu mettre la main dessus de façon légale. Fait que... Là, on les regarde en ce moment. On a vu les deux tiers de la saison, la première saison. Puis j'avais lu le livre, ma blonde a lu le livre. Ma blonde est une grosse fan de Margaret Atwood. Puis sérieux, là, je dis ça sans aucun doute dans ma tête, c'est meilleur que le livre. Puis j'ai adoré le livre. Puis Margaret Atwood, c'est une légende au Canada. Puis son livre est un fucking chef-d'œuvre. Tout le monde devrait le lire. Mais la série élève le récit, puis élève le roman, puis élève tout. C'est ce qu'ils réussissent à faire avec ça, le côté visuel de ça, puis la manière qu'ils racontent l'histoire, c'est tellement mieux raconté que dans le livre. J'en revenais pas. Il y a eu un film, une adaptation en 90, puis c'était poche, là, puis j'étais comme, OK, je pense que ça marche pas, ça, à l'écran. Mais non, finalement, la série télé de 2017, elle fonctionne à fond, puis j'ai vraiment hâte de voir les derniers épisodes, puis la nouvelle saison commence là, la mi-avril, je pense. Ouais. Puis, on est dedans en ce moment, puis je suis comme, waouh, c'est... En tout cas, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi fort, même si je savais que l'actrice principale, Elizabeth Moss, c'est selon moi la meilleure actrice de sa génération, je pense. Après Mad Men, après tout ce qu'elle a fait, là, c'est... Puis... Je veux quand même souligner Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, chercher des vieilles éditions. Tu sais, on parlait de course, là. Il y a une édition en français traduit qui est sortie cette année. Je l'ai vue en vente dans plusieurs librairies indépendantes comme au Costco, là. C'est avec l'image de la série. Fait qu'on dirait qu'ils ont comme rushé à sortir une édition qui avait l'image de la série comme cover, mais... hyper mal traduite. Vraiment, là, j'ai eu deux critiques différentes sur des groupes de fans de livres, comme quoi il y a des phrases qui n'étaient pas finies. C'est des phrases qui manquaient des mots carrément, mais il y a le point, donc. Mais il manque des mots. La syntaxe est très difficile. On parle d'une traduction francophone, là. Vraiment, La Servante Écarlate, cover rouge là, qui est sorti, je vous dis, là, c'est sorti en 2017. Mais je serais curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé côté business, parce que là, il y avait déjà une version française, tu sais, je veux dire. Pourquoi ils n'ont pas repris la vraie? C'est une question de droit. Ils ont dit, ben, nous autres, on fait la nôtre, puis on le sort. J'en ai aucune idée. Moi, je voulais l'acheter, puis j'ai vraiment eu des red flags. Attention, moi, j'ai passé le mot à une amie qui est prof au cégep, qui voulait le faire lire à ses étudiants. J'ai dit, fais attention, parce que tes étudiants vont tous prendre cette version-là, et il paraît qu'elle est à chier. Et il y a quelqu'un qui a répondu, effectivement, moi aussi, je l'ai lu, et les paragraphes ne fonctionnent pas. C'est problématique, là. Fait que je vais juste quand même lever le flag pour ceux qui nous écoutent. Si vous avez accès à une ancienne version plutôt qu'une récente, c'est mieux pour... C'est triste, là, pour une des œuvres les plus importantes de la littérature au Canada. Ouais, chercher une plus ancienne version, ils ont rushé. Ou une version en anglais, hein. Ça peut être en anglais. Moi, je vous dis vraiment la version traduite qui est sortie en 2017 après le buzz de la série est difficile à lire. Ma blonde, la version que j'ai lue, je pense que c'est une version des années 80. C'était ma blonde qui l'avait, puis c'était en anglais. C'est ça. J'ai une foire du livre cette semaine, là. Je vais essayer de le trouver. Ça fait deux foires de livres que je fais que je le trouve pas. Mais il y a eu beaucoup en demande l'année passée, c'est ça l'affaire aussi. Là. Ouais, ben c'est ça. Puis, c'est ça. Tu sais, la série est vraiment, vraiment bonne, je trouve ça. Puis, l'année passée, ils ont fait une autre série aussi basée sur un autre roman de Margaret Atwood, Alias Grace. J'en avais parlé un peu durant les 31 jours. C'était vraiment pas bon. Puis c'est plate parce que c'était Sarah Polley qui était derrière ce projet-là, puis la réalisatrice de American... elle cherche le mot. American Psycho, avec Christian Bale. Puis c'est ça, c'est... Non, c'était pas bon. Là. Moi et ma blonde, elle avait lu le livre, pas moi je l'ai toujours pas lu encore, Alias Grace, mais on essayait de suivre, puis... Puis moi, je trouvais ça pénible, puis elle me disait... Je regardais, j'étais comme, mais c'est-tu une bonne adaptation? C'est-tu fidèle au roman? C'est relativement fidèle à l'histoire, mais c'est... Ah non, c'est pas une bonne adaptation, c'est pas bon. Puis Handmaid's Tale, c'est tout le contraire. On est sous le bout de notre siège, on capote bien, regarde. Là, c'est tellement beau visuellement, puis tellement bien joué, puis... En tout cas, c'est génial. Voilà. Je pense que là-dessus, on peut conclure notre intro de 1 heure, à peu près. Puis, passer à la petite madame qui crie, puis on passe tout après à notre opinion sur le notre premier film de la soirée, Mom and Dad. Nous commençons ce podcast après moult discussions avec le film Mom and Dad, sorti au Canada, si on veut, mais non officiellement en 2017, avec des sorties en 2018, bref, un film fin 2017, 2018, début 2018, et qui est louable sur YouTube. Je l'ai vu à 7,99 sur YouTube. C'est un film avec Selma Blair, Nicolas Cage. C'est l'histoire de parents qui virent fous et qui tentent de tuer leurs enfants. On pense que c'est peut-être à cause d'un virus, mais on le sait pas trop. Il y a quelque chose dans l'air qui fait en sorte que les parents ont envie de... C'est dans les appareils électroniques, les télés, les radios, ouais, tout ça. C'est ça, qui fait en sorte que ça bousille le cerveau des parents, puis les parents ont envie de tuer leurs enfants. Pour ma part, j'ai détesté ce film. J'ai vraiment détesté ce film. Je l'ai trouvé agressant, inutile. J'ai senti qu'on essayait de faire de l'humour, ça m'énervait. Comme je le dis souvent, moi je rentre dans les films vierges. J'ai pas vu de bande-annonce, j'ai pas lu sur le film. J'écoute un film, point. Le film commence, et dans les 15 premières minutes, il y a une scène faussement inquiétante avec Nicolas Cage. Mais je l'ai écouté avec ma partner, on savait pas c'était quoi le film, et la scène nous a mis hyper mal à l'aise, parce qu'on veut comme nous monter un suspense pour dire « Hey, Nicolas Cage pourrait être en train d'essayer d'attaquer son fils, mais finalement il chatouille. » Mais on sait pas c'est quoi le crise de film. Fait que c'est juste super malaisant de Nicolas Cage qui fait des simagrées puis des grimaces puis qui en fait trop pour une scène qu'on comprend pas, parce qu'on sait pas c'est quoi le film. Ça pourrait être n'importe quoi, là. Ça pourrait être un home invasion, ça pourrait être un kidnapping, ça pourrait être des extraterrestres. On sait pas c'est quoi le film. Tu sais, quand je disais que on dirait que les films maintenant se bâtissent beaucoup sur l'idée que les gens ont parlé du film, ces forums-là, ben c'est le feeling que j'avais. Comme s'il aurait fallu que je connaisse le film avant de le commencer. Ah, c'était désagréable. Il y a des flashbacks qui servent nettement à faire du remplissage. Je me souviens pratiquement pas des flashbacks, excepté un avec un popsicle où il y a des erreurs de continuité. Le popsicle n'est jamais de la même grosseur. Cette scène-là est vraiment malaisante, encore une fois. C'est Nicolas Cage puis son garçon. Puis il finit à la fin en disant « Si tu touches encore à mon char, je te tue. » Il y a aucun parent qui dit ça à son enfant. Qui dit « Tu vas être chicané, tu vas être dans la merde, tu vas être déshérité pour faire une blague, mais je te tue. » Il n'y a aucun parent qui dit à son enfant « Je te tue ». Aucun. C'est pas une menace crédible pour aucun enfant. Tout le film est écrit comme ça. Des personnages qui font des affaires stupides, qui comprennent pas. Ça marche pas. Le film marche juste pas. La musique est agressante, est mal proportionnée. Pas juste au niveau du son, mais je me souviens même pas. C'est vraiment un souvenir que j'ai pas de scène directe. Où la musique part, puis je suis comme, Chris, elle fit pas la musique. Elle fit pas. Tu sais, je me souviens, un moment donné, il y a une espèce de tune de bossa nova. Je me souviens pas où dans le film, c'est une des premières tunes, puis je suis comme, mais pourquoi qu'il y a une bossa nova là? Ça ne marche pas. Le film est lourd et pas le fun. Moi, je m'en fous qu'on m'explique ou pas que tu sais ça vient des télés ou whatever, mais les inserts d'écran qui grichent, ça sert fuck all à rien. Ça sert fuck all à rien. C'est un rythme effréné pour un film inintéressant. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont rajouté des plans, autant les flashbacks, mais les plans en eux-mêmes. J'ai vraiment le feeling qu'ils en ont rajouté pour arriver à un temps legit pour passer d'un festival. Tu sais, parce que oui, il y a les flashbacks qui servent à rien, mais une personne qui monte les marches en 8 plans, c'est agressant. C'est juste agressant. J'ai détesté ce film. Je l'ai détesté. Puis je m'attendais à l'apprécier. Je m'attendais à un petit film de série B qui sort de nulle part, qui est rigolo. Pas en tout. Il m'a énervé tout le long. J'ai détesté ce film. Vraiment, là, je te passe le micro. J'ai rien d'autre à dire. Ben, je l'ai peut-être pas détesté autant que toi, mais je l'ai pas trippé non plus. Tu sais, j'ai trouvé ça... j'ai trouvé ça divertissant. J'ai trouvé ça drôle par moment, mais sans plus. Comme tu dis, tu l'as pas dit de même nécessairement, mais on s'intéresse pas aux personnages parce qu'on les connaît pas, puis c'est mal écrit. C'est écrit sur un coin de table, tu sais, ce film-là. Je pense que c'est écrit juste pour l'action, tu sais. C'est écrit juste pour les scènes de choc et... Ouais. Tu sais, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de... On s'en fout là, des deux personnages, des deux parents, puis des enfants. On s'en fout de ce qui se passe un peu dans leur vie, tu sais, c'est pas intéressant, puis ils sont pas crédibles. Nicolas Cage, ça fait des années, de toute façon, qu'il est pas crédible. Là. Il a déjà été aux Oscars pour Leaving Las Vegas, puis c'est fini ce temps-là, il est plus... Oh my God! Il surjoue oui. Tout le long! Mais je pense qu'il en a fait une carrière dans les 10-15 dernières années, je pense. J'ai pas suivi sa carrière, ouais, mais ce que je vois avec les mimes et tout ça, les gifs animés, ben, ça a l'air d'être ça, là. Nicolas Cage, c'est sa face... C'est expressive, là. Oui, oui. Mais tu sais, comme tu dis, les enfants, là, je suis désolée de te couper, mais à un moment donné, ils sont pris dans le cave, puis ils inventent une espèce d'idée full brillante pour arriver à leur fin, puis je suis comme, voyons, ça reste des enfants, là. Mm. Attends un peu, là. Je veux dire, on n'est pas dans Home Alone, là. Tu sais, ils ont une idée trop brillante pour leur capacité intellectuelle, là. C'est comme, arrêtez, là. Ils n'ont pas étudié les manuels de survie, là. Attends un peu, là. C'est trop. Sans rentrer trop dans les détails, parce que moi non plus, je me souviens pas de grand-chose, il n'y a pas de grande affaire qui fait du sens dans le film. T'sais, je trouve que, comme j'ai dit tantôt, tout est écrit pour les scènes d'action. Puis c'est pas pour réfléchir. T'sais, c'est vraiment pas un film fait pour réfléchir. Quand les deux enfants sont dans la cave, justement, il y a plein de questions que je me posais, genre, pourquoi vous essayez pas de sortir par les fenêtres, de un? Ouais. C'est parce qu'ils sont pas assez grands, je sais pas. Mais elle est adolescente, en tout cas. Mais puis quand les parents décident de faire passer un tuyau par la fenêtre, puis de pelleter de la terre, on voit jamais les enfants réagir à ça, comme s'ils avaient jamais entendu ce qui se passait. Puis je me disais, mais coudonc, la cave est-tu si grande que ça? T'sais, comment ça se fait qu'ils ont pas, ils se sont pas rendus compte, ils ont pas entendu ou quoi que ce soit? T'sais. Puis je sais pas, il y a plein d'affaires qui faisaient... La logique était boiteuse, puis... La scène où Selma Blair est à l'hôpital sert absolument à rien. Non. Juste pour voir une mère... Le but de cette scène-là, c'est voir une mère essayer de tuer son bébé. Mais tout est pour le choc, tout le temps, tu sais. Puis là, à part, elle est pour partir avec le bébé, puis les infirmières disent, tu nous l'ordonnes, on sait pas ce qui est en train d'arriver, c'est moins dangereux qu'il soit avec nous. Mais non, parce qu'elle essaie pas de le tuer. C'est ça. C'est pas logique. C'est ça, exactement. Mais non, mais tu sais, les parents de Nicolas Cage qui arrivent à la fin du film, on les connaît pas. Ils c'était des personnages inexistants depuis le début du film. Tout à coup, ils arrivent, puis ils décident de l'attaquer. Puis c'est juste parce qu'on a Lance Henriksen, qui est une figure du cinéma d'horreur qui est là, qui joue son père. C'est juste pour avoir un caméo, puis c'est juste pour avoir lui dans le film pendant quelques instants. T'sais, c'est pas... Ça sert à rien. Mais le film sert à rien, tu sais. Le film raconte rien, tu sais. Mais non, puis on sait pas trop pourquoi les grands-parents essaient pas de tuer les parents, hein? Les enfants. Je pense que c'est vraiment juste un degré, tu sais. C'est un degré de séparation à chaque fois. C'est juste les parents avec leurs enfants directs, pas le neveu, pas le nièce, pas les amis de leurs enfants. C'est juste non, c'est ça. Leurs enfants, eux. Pas les conjoints. Ouais, mais c'est un peu weird quand même, là. Ouais, les règles sont... Ben, tu sais, ça a aucun sens de toute façon, là. Puis... C'est ça. Ça me fait penser à des films comme The Signal, qui est sorti en 2007, qui était un peu semblable. Puis Cell, aussi, de Stephen King. J'ai pas vu le film, mais j'avais lu le livre quand ça sortit, puis ça date déjà de là, quasiment 14-15 ans. Puis c'est ça, je trouve que c'est un peu semblable. Puis sauf que là, on craint que l'aspect slapstick et horreur et tout ça, tu sais, au bout, là. Pas horreur, mais tu sais, gore et tout ça. Cranky, c'est le bon mot. On dirait qu'on a comme une roulette, là, puis la majorité des films étant de 5 et 7, on s'est dit, non, on monte à 12! Ben, c'est le réalisateur de Crank avec chose, là, Jason Statham, puis j'ai pas vu Crank, fait que je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais même pas que c'était... Je savais même pas le nom du réalisateur quand j'ai vu le film. Moi, j'ai vu les deux Crank. Le deuxième, j'ai peu de souvenirs. Le premier, je m'en souviens, j'aime Crank, le premier. Okay. Parce que ça marche dans un film d'action avec un acteur qu'on connaissait peu aussi à l'époque. Là. Jason Statham, ça a été ses premiers films d'action où il était gentil, sinon c'était tout le temps le méchant. Et ça marche dans un film d'action parce que c'est nerveux, parce que ça fit. Là, dans ce film-là, ça ne fit pas. Puis Nicolas Cage, on le sait que tu l'as pris pour ses mimiques, mais laisse-le acter. Arrête de coter. c'est ça le problème, c'est que le film, il cote aux 4 secondes. C'est trop frénétique. Tac, tac, tac, tac, tac. Si tu veux qu'on s'amuse avec Nicolas Cage, laisse-le vivre dans un plan. Laisse-le s'étaler. Là, c'est comme tac, tac, tac, on le voit en 4 angles différents, puis là, il agit. Non! Laisse-le, mets ta caméra fixe, puis arrête de coter. Fais un montage moins saccadé, laisse tes acteurs travailler. Quand ça respire pas entre tes scènes, ça, on dirait une longue, longue bande-annonce avec la musique, comme tu dis, puis tout, c'est un enchaînement de moments tout le temps, puis il y a pas de... Non, ça respire pas, tu sais, puis il y a pas de petits moments intéressants entre les personnages, de rencontres de deux êtres humains qui se parlent. Non, c'est tout le temps vite, vite, vite, puis let's go, on passe à d'autres choses, tu sais. Parce que c'est frénétique, c'est nerveux, puis ça en est énervant, ça en est... Mais pas énervant dans le bon sens, ça en est tannant, tu sais, ça en est... Quand on était rendu dans la maison, je me suis dit, enfin, ils vont se poser. Ouais. Pas du tout. Pas du tout. Ça m'a énervé. J'étais comme, mais prenez le temps de nous montrer une scène. Arrêtez de comme tourner autour de tout le temps, tout le monde. Prenez le temps de nous montrer ce qui se passe, tu sais. Non, puis tu sais, quand il y a la scène du feu, ou la porte du sous-sol, ben tu sais, je me dis, bon, ben peut-être que là, on s'est débarrassé de Nicolas Cage, peut-être qu'on sait là, tu sais, on va être réaliste un petit peu. Non, pas du tout, tu sais, il se relève pas longtemps après, puis... Oui! On est vraiment dans un gros cartoon, là, tu sais, il y a rien de réaliste, il y a rien qui fait du sens, puis... C'est frénétique, c'est pas ce que je recherche dans un film. Puis je suis pas une fan de l'excessive lenteur non plus, moi, les drames psychologiques, j'ai bien de la misère, mais là, c'est que c'est trop. Puis, comme je t'ai dit, la musique... Elle m'a marqué parce qu'elle fitait jamais. Mais je pense Seb nous a écrit en privé à moi, toi, puis Steven. Je pense qu'il nous a écrit quelque chose de genre hey, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu Mom and Dad? La musique est-tu de même tout le long? Je pense oui, c'est vrai. Je pense qu'il avait, il était rendu à 15-20 minutes dans le film, puis il capotait déjà sa musique. Là. Ouais, je vais lire justement. Là. Vous avez cherché, Seb, il nous dit, vous avez cherché un film plus intelligent que ce qu'il avait la prétention d'être. Mais oui, mais c'est que moi, je ne connais pas les prétentions du réalisateur quand je pars le film. Je veux que le film soit une entité en lui-même et après, je vais m'informer sur ce qu'il est d'autre. Mais ce film-là n'est pas une entité en lui. Ce film-là se parle à lui-même. « Hey, check qu'est-ce que j'ai fait avec Nicolas Cage. Hey, check qu'est-ce qui se passe là. » Ce film-là arrête pas. Il n'y a pas d'auto-réflexion. Il est tout le temps dans le moment, dans le mouvement. Il est hyper agressant. Fait que j'ai lu après des gens... Je suis tombée sur une conversation sur Facebook, dans un groupe d'Orange, justement, de gens qui disaient « Ah, oh, c'est de la bombe parce que c'est drôle. » Mais je suis comme « J'ai pas trouvé ça drôle. Moi, j'ai trouvé ça agressant. L'humour n'est pas venu me chercher. Ça m'a tombé sur les nerfs. » J'étais avec ma partenaire puis on écoutait ça. Hey, on l'a écouté sur l'écran géant. Je peux te dire que c'était nerveux. J'ai comme jamais j'aurais écouté ça au cinéma. Je serais sortie de là, c'était épuisé. Ce film-là est épuisant. Il t'en demande énormément psychologiquement. Ben, pas psychologiquement parlant. Je trouve qu'il demande à ton cerveau d'être hyper alerte sur toutes les échelles de plan, sur tout ce qui se passe, sur le montage, sur le saccadé du film. Ah, oh, ça m'a agressé. Vraiment, là, ça m'a agressé. Vraiment. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. J'ai détesté, j'ai été agressé durant ce film-là. Mais, tu sais, je disais tantôt que je l'ai pas détesté autant que toi parce que je serais malhonnête de dire que j'ai pas eu du fun quand même. J'ai ri à certains moments. Je peux pas te dire lequel, là, je me souviens pas. Mais j'ai ri un petit peu. Tu sais, j'ai quand même trouvé ça amusant puis divertissant. Puis ça passe vite, là, c'est 1h20, je pense. Puis il y a une couple de scènes que j'étais... un petit peu mal à l'aise de ce qui allait se passer parce que moi je suis bien meilleur des fois dans les films, mais tu sais, la scène du couteau dans la porte à un moment donné, avec le doigt, là, tu sais, puis là, j'étais comme, tu sais, ça me stressait. Puis la scène du cintre aussi dans la joue, ça me. C'est des affaires, je l'ai souvent dit, mais quand il y a des affaires coupantes ou qui percent là, dans un film, ça me stresse. Quand il y a un flow à un moment donné au début du film qui décide de sauter à la clôture pour la rejoindre sa mère, puis il y a plein de parents à l'autre bord, là, j'étais comme. Là, tu commences à comprendre un peu que à ce moment-là, tu filmes quelque chose. Quand son ami noir sort de l'école, puis tous les parents observent l'école. Oui. C'est une belle scène. Oui, c'est ça qu'on veut. des scènes qui prennent le temps. C'est ça que j'ai de besoin. Oui. Mais c'est ça, tu sais, le petit gars que je parlais, tu sais, quand il saute la couture, ben c'est ça. J'étais stressé un peu pendant 2 secondes pour lui, puis je me disais, écoute, ils vont-tu l'arracher en deux? Ils vont-tu, je sais pas, tu sais. Il y a des petits moments comme ça que j'étais un peu stressé, mais c'est tout, tu sais, ça passe vite, puis c'est... Finalement, c'est ça, c'est très, très léger, puis comme film en général, puis... Ben c'est ça, moi, j'irais pas dire que c'est léger, parce que je l'ai trouvé demandant. Ouais. Je comprends pourquoi tu dis léger, dans le sens où tu te casses pas la tête, mais moi, l'ai trouvé demandant. J'ai trouvé que ça arrêtait pas 2 minutes, puis j'étais comme, prends ton temps, respire! Oui, oui, de ce côté-là, comme j'ai dit tantôt, c'est ça, oui, c'est frénétique, puis tout, mais tu sais, c'est pas demandant, ou, mettons, pour moi, en tout cas, c'est pas demandant au point de vue psychologique ou émotif, tu sais, je m'attache pas à personne, puis... Tu poseras pas de questions, mais tu sors de là épuisé. Moi, je suis sorti de là épuisé. Moi, je suis sorti de là en me disant, mais je vais vite l'oublier. Là. C'est aussitôt vu, aussitôt oublié. Ouais. Ah, ouais, ça, c'est un film fast-moving. Mais tu sais, j'imagine pas ce film-là passer sur un poste de télé. Tu mets où les pauses? Bonne question. La publicité durant ce film-là doit nous reposer. Je sais pas comme. À quel moment t'écoutes ce film-là? Je sais pas. Je sais pas si Télé-Québec fait encore ça, mais avant, ils mettaient le publicité avant puis après le film. Fait que, ouais. Ça serait la seule formule. Là, mais pour pas couper un moment, un film dans c'est son ça. Drame, là, tu coupes... T'sais, ce que je veux dire, c'est que tu présentes pas ce film-là en gang parce que tu vas t'épuiser puis tu vas décrocher. Mais seul je sais pas, t'sais, à Fantasia, si ça aurait... T'sais, là, il est passé au TIFF. Il n'est pas passé à Fantasia, mais à Fantasia, ça aurait été le genre de film, il me semble, qui aurait eu quand même une bonne réaction. Il y a des scènes, quand même, justement, tu sais, de meurtre ou d'attaque qui auraient mérité, qui auraient eu des applaudissements, je pense, dans ça, à Fantasia. Je pense. Peut-être, mais moi, je trouve que ce film-là en gang serait venu me chercher de l'énergie encore plus. J'aurais manqué des bouts. Tu sais, j'ai déjà manqué l'affaire des télés. Là. J'avais compris qu'il y avait de quoi avec les télés parce que Christy a des inserts d'écran qui grichent pour aucune raison. Là. Mais j'aurais pas... non, je te dis, moi, j'ai décroché, là, je capotais. J'étais comme, mais qu'est-ce qu'on me fait écouter? Ben ça, je me posais la question aussi. Puis, tu sais, j'espérais avoir plus de réponses un peu vers la fin. Puis, finalement, c'est ça. Tu sais, le film m'a comme laissé sur une... Tu sais, j'ai ri pendant 2 secondes la finale. J'étais comme... Ok, c'est une liste de même, le film, tu sais. Mais. Oui! Mais après ça, j'étais un peu déçu de ne pas avoir. Tu sais, c'est ça. Je me disais, ben, c'est une mauvaise écriture. C'est mal écrit. C'est mal chié. C'est écrit, comme je disais tantôt, sur un coin de table. Et hey, puis en plus, c'est écrit sur le résumé IMDb, c'est pendant 24 heures. Sur le résumé, j'étais comme, ah, j'ai pas perçu ça. Moi, à la fin du film, j'ai pas perçu qu'il était correct, là. Non, non. Non, c'est ça, quand tu dis 24 heures, ça suggère une finalité à ça. Ben, c'est le résumé IMDb, tantôt on cherchait la main du film, ouais. Le résumé IMDb implique, je pourrais t'envoyer le lien tout de suite, là. A teenage girl and her little brother must survive a wild 24 hours during which a mass hysteria of unknown origins caused parents to turn violently on their own kids. Désolée pour mon anglais, là, je l'avais pas pratiqué avant. Mais... Une adolescente et son petit frère doivent survivre pendant 24 heures. Fait que logiquement, après 24 heures, ça disparaît. Ouais. Si vous aviez compris ça, dites-moi là. Je pense qu'il voulait pas vendre la finale. Je sais pas. Ouais, peut-être. Mais je pense que c'est ma raison quand même qu'on cherche de quoi on a cherché un film plus intelligent. Mais je pense que en fait moi j'ai rien cherché, tu sais, je savais pas non plus, j'étais comme toi puis je savais pas qui avait réalisé, je savais pas c'était quoi l'histoire, j'avais pas vu de bande annonce, rien, je suis comme je paye sur Play, je regarde ça. Tout ce que je savais c'est qu'il y avait Nicolas Cage puis Selma Blair. Puis ben j'ai été surpris mais pas nécessairement agréablement surpris, j'étais comme c'est divertissant sur le coup mais je vais l'avoir vite oublié. Tu sais. Ah oui, mais tu sais il dit, tu cherches quelque chose, mais attends, le film, j'ai quand même droit à un film. Dans le sens, je comprends ce qu'il veut dire par tu cherches quelque chose de plus intelligent que ce que le film a la prétention d'être, Mais c'est quoi la prétention de ce film-là? D'être un bon divertissement? Mais ça ne l'est pas non plus. D'être un film loufoque? Ça ne l'est pas. Tu sais, je veux dire, peu importe ce que tu me dis que ce film-là voulait être, pour moi, il ne l'a pas été. Peu importe. Il ne l'a pas réussi. Ouais, je serais curieux de savoir qu'est-ce que le réalisateur a à dire. De... En même temps, je ne perdrai pas de temps là-dessus. Là. Je ne cherchais pas des interviews. Là, mais tu sais, oh, c'est un... It's a funny movie. Non! C'est une métaphore sur la société actuelle américaine. Dans ta gueule. Non plus. Tu sais, mais sa prétention de faire passer du bon temps, ben j'étais avec ma partner, man, pis on avait hâte que ça finisse en sacrament, là. On était épuisés, on était tannés. Puis on a essayé de pas trop jaser puis pas trop se déconnecter, parce que j'ai dit, faut que je vois le film pour un podcast, fait que faut pas que je décroche. On a essayé de pas décrocher, mais le film nous portait à décrocher. C'était trop demandant. Mais c'est intéressant quand même que tu l'aies vu comme ça, très demandant. Moi, j'étais pas vraiment... Je le regardais en surface, j'étais pas impliqué tant que ça. Là, j'étais pas... Ben c'est ça. T'sais, nous, on l'a vraiment comme mis sur l'écran géant, on s'est assis, on s'est dit « Hey, un petit film d'après-midi », puis on était comme « Mais what the fuck? » C'est comme « Arrêtez, là, tu sais, donne-moi 2 minutes, laisse-moi respirer. » Puis comme je t'ai dit, la scène où Nicolas Cage veut chatouiller son garçon... Oui. C'est monté en plein de plans saccadés, là. Sa face, ses mains, ses épaules, son dos, sa face, ses mains, sa face. Je suis comme, qu'est-ce que t'essayes de me dire? Je sais pas de quoi tu parles, film. Alors, qu'est-ce que t'essayes de me dire? Mourir. Ta recommandation pour le film? Sérieusement, il est en loué sur YouTube. C'est 7,99 et je trouve que c'est une perte d'argent. Je ne pense pas que c'est un bon film aussi pour rire de Nicolas Cage, tu sais, comme oui, on en rit méchamment, mais on peut en rire aussi de sa performance. Il n'y a pas de performance. Donc, moi, pour vrai, passer à côté, là, vous perdez absolument rien à passer à côté de ce film-là. Puis Selma Blair, qui est une bien meilleure actrice que ça, c'est dommage qu'elle joue là-dedans. Ah! Mauvaise exploitation de Selma Blair, je suis bien d'accord. Mais 7,99, t'as raison, je trouve que c'est trop pour ce film-là, ça vaut pas la peine. Nous autres, on l'a vu sur un screener, puis non. Ouais. Je suis bien content de ne pas avoir payé pour ça, puis encore moins de l'avoir vu au cinéma. Tu sais, j'aurais été vraiment déçu d'avoir payé pour ça. Si quelqu'un vous le prête, vous donne un code quelconque pour le voir, ou peu importe, faites-le si ça vous tente. Mais si vous êtes un fan de Crank, j'imagine. Mais c'est ça, moi je suis... pas un fan de ça non plus. Là, t'sais. C'est pas la pire chose que j'ai vue dans ma vie. Ça reste divertissant, selon moi, par bout, par moment. Il y a quand même des bonnes passes gore pis tout, mais c'est ni queue ni tête, c'est frénétique à mort, pis y a pas de scénario ben là. Mais non, c'est ça, pis t'sais, c'est vraiment Nicolas Cage, complètement fou, pis t'es comme, ben non. Mmh. C'est comme je l'ai vu dans des meilleurs rôles que ça. Ben c'est clair. Comme... Oh là là. Non, pour vrai, il y a des clips là sur il y a des clips sur YouTube, Mom and Dad trailer, Mom and Dad movie clip. Si vous passez au travers de ça, peut-être que le film peut vous intéresser, mais sinon là, ça doit être exactement. Tu sais, je vois, c'est des gros plans de Nicolas Cage, puis il y en a à peine là. Il y en a à peine, c'est même pas jouissif. Moi aussi comme toi, j'avais déconnecté de la carrière de Nicolas Cage, puis je voyais juste les mêmes, puis j'étais comme cool, tu sais, je vais m'amuser avec lui, je vais trouver ça drôle, je vais trouver ça le fun. Pas en tout, être déçu, mon gars, là. Aïe, aïe, aïe. Nicolas, qu'est-ce que t'as fait de ta carrière? Ouais. Mais ouais, je m'attendais à mieux. Là. Je regarde l'official trailer, là. Mais c'est triste. Ouais. Ben, pour nous. Pour qu'on redevienne en jouer un peu, on va aller écouter du Madonna, je pense. Oui! Papa Don't Preach, qu'est-ce que t'en dis? Papa Don't Preach! On revient tout de suite. We'll be right back. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Notre deuxième film de la soirée est The Stepfather de 1987, réalisé par Joseph Rubin. Sa mère va être Terry O'Quinn, et Jill Scullin, je suis pas trop sûr de la prononciation de son nom. C'est en gros l'histoire de... Ben, en fait, il y a même pas de mystère pour nous autres, de spectateurs. Le mystère est pour les autres personnages, parce que le personnage joué par Terry O'Quinn, qui s'appelle, un de ses nombreux noms, Jerry Blake, est un tueur. On le sait dans les 5 premières minutes du film, c'est un tueur, il a massacré sa famille, il change son apparence, il décide de changer de ville, de profession et tout ça, et de se trouver une autre famille. Puis on comprend assez vite que c'est son pattern, que c'est quelque chose qu'il répète... En tout cas, je sais pas combien de fois qu'il l'a fait. Au moins 3 fois. Au moins 3 fois. Il y a comme 3 photos. J'allais le dire plus tard, mais tu sais... Emmanuel, il va manquer de cheveux là, pour ses alias. Là, pour ses... À chaque fois, il enlève des cheveux. Je pense qu'il restait encore peut-être un autre. Là. Faux nom. Mais c'est ça, là, il se trouve une nouvelle famille, une mère... Et sa fille de 16 ans, la mère est en amour avec Jerry, mais la fille, elle l'aime pas bien, puis elle se doute que c'est pas clair son histoire. Elle essaie d'avoir des informations, ça marche plus ou moins, il y a des morts autour d'elle et tout ça. Fait que c'est un genre de film, je peux pas vraiment appeler ça un slasher, mais c'est un petit film typique des années 80, c'est vraiment... La formule est copiée sur plein d'autres films. Déjà en partant, moi, des petits flashbacks là, de 5 minutes, j'ai vu ça dans un million d'autres films des années 80, que ce soit, je pense à Prom Night, ou je pense à Pieces, ou plein d'autres films où tu as un genre de. Une petite séquence, puis ça, tu arrives One Year Later, ou bien 6 mois plus tard. Puis, ouais. Puis ça suit toutes les mêmes beats que les films typiques de l'époque, avec. Le personnage sympathique qui va être le premier à mourir, ou l'autre en retrait un peu de l'histoire principale qui essaie de mener sa propre enquête, sauf que dans ce cas-ci, ce personnage-là qui est un genre l'ancien beau-frère de Jerry, ça mène absolument à rien. Tout ce qu'il fait dans le film n'a aucune conséquence sur la trame principale. Il pourrait ne pas être là, ça changerait absolument rien au film. À la fin, ben non, je spoilerai pas. On en parlera peut-être tantôt. On fera peut-être un petit 2 minutes de spoiler. Mais c'est ça, tu sais, son personnage ne sert absolument à rien. Les bons côtés, selon moi, ça a été vraiment Terry O'Quinn puis l'actrice Jill Scullin. Moi, je les ai adorés. Tu sais, Terry O'Quinn, je le connaissais pour Lost, pour une couple d'autres rôles. Je l'aime ce gars-là, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime sa façon de parler, son côté naturel, toute sa diction, toutes ses mimiques, tout ça, je l'aime vraiment. Puis sérieusement, là, son personnage dans le film, dans cette nouvelle identité-là, est un vendeur de maisons. Et j'aurais pu avoir 2 heures de lui qui fait visiter des maisons, puis ça aurait fait de mon bonheur. Moi, c'est ça que je voulais voir. J'étais même déçu quand ces scènes-là se terminaient. Puis, tu sais, la maison qu'il fait visiter, à un moment donné, elle est quand même belle pour 1987. Je me rappelle un peu de 87, j'avais 10 ans, puis cette maison-là est belle, là, avec un beau mur de briques, puis un four encastré dans la cuisine, puis tout. C'était beau, là. Mais c'est ça, tu sais, beaucoup de tapis, il faut dire, mais en tout cas, le reste, c'était beau. Mais c'est ça, tu sais, lui, je l'écouterais parler, je l'écouterais me vendre une maison. Pendant 2 heures, ce serait correct. Puis elle, ben, je la connaissais pas. Je pense qu'elle a pas fait une longue carrière. Elle s'est mariée, puis elle a eu des enfants, puis elle a lâché sa carrière d'actrice. Mais je l'ai trouvée bonne, je l'ai trouvée sympathique, c'est sûr. C'est un peu réducteur, mais je l'ai trouvée cute, là, mais c'est bon. C'est ça, puis sauf la mère, dans le trio principal, la mère, c'est elle qui jurait le plus parce que je l'ai vraiment détestée. Je la trouvais vraiment mauvaise actrice, puis je roulais des yeux chaque fois qu'elle disait une réplique. Là, j'étais comme, oh, mais ta gueule, t'es vraiment poche. Puis, non, c'est ça. L'histoire, en gros, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est très conventionnel, c'est copié sur d'autres affaires, puis on sait pas mal où ce que ça s'en va, on voit pas mal tout venir, puis il n'y a pas vraiment de surprise. Il y a des petits moments plus fun que d'autres, genre le moment dans le sous-sol où ce que la jeune fille de 16 ans va surprendre le beau-père dans une sorte de crise. Encore là, c'est le talent de Terry O'Quinn, je trouve, qui est vraiment bon pour nous faire pour passer du gars qui essaie d'être sympathique à sa vraie nature qui est complètement folle. Fait que je trouve qu'il fait bien ça, mais c'est ça. En gros, c'est très conventionnel comme film, puis j'ai trouvé ça moyen. Tu sais, j'ai aimé les acteurs, comme je dis depuis le début, mais j'ai trouvé ça moyen comme film. C'est pas quelque chose vers lequel je vais me retourner, je vais aller revisiter un jour. Je suis pas vraiment curieux de voir les suites. Il y en a deux, je pense, puis je suis pas vraiment curieux. Moi, je trouve que l'histoire se termine là, à la fin, puis c'est bien correct de même. Je sais pas en tout comment est-ce qu'ils ont pu faire revenir le personnage principal, le personnage de Terry O'Quinn dans le deuxième, mais en tout cas. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas un grand, grand film, selon moi. Tu sais, c'est sympathique. C'est le fun de voir un peu la mode de l'époque. Là. Je n'ai fait un petit commentaire en privé, mais à la gang de Rock Gamer, à notre gang, nous autres. J'ai dit, ouais, il y a beaucoup de tricots, beaucoup de coton ouaté dans les costumes de ce film-là. C'est fou. Je l'ai montré une scène à ma blonde, puis elle riait. Là, il y a comme une scène de barbecue à un moment donné, puis tout le monde a des tricots, tout le monde a des trucs en coton ouaté. Mais c'est ça, je me rappelle un peu de l'époque, puis le monde s'habillait plate de même, les couleurs télettes, les vêtements télettes, tout était télette, tu sais. Fait que c'est juste ça, un petit... Puis c'est le fun de voir, de se replonger des fois dans ces films-là, pour voir que, contrairement, mettons, à les Stranger Things, puis autres œuvres de ce monde qui essayent de qui se situent dans les années 80, puis qui essaie de recréer les années 80, mais tout ce qu'ils font, dans le fond, c'est que le personnage, comme dans le Stranger Things, ou d'autres affaires comme ça, les personnages sont comme des... sont tout le temps des cartes de mode. C'est comme le modèle typique c'est comme si la personne essayait tout le temps de représenter absolument à chaque jour de sa vie les années 80, t'sais, avec les cheveux dans les airs ou un Walkman jaune ou quelque chose comme ça. Je comprends ce que tu veux dire. Mais dans la vie de tous les jours, c'était pas de même. T'sais, la vie de tous les jours, tu portais un gilet en coton ouaté, puis des jeans, puis c'était ça. C'est comme dans la vie de tous les jours en 2018. T'es pas toujours habillé à la mode de l'époque. Oh, ouais. C'est le fun de voir des films comme 1987 où les vêtements sont lettres, puis c'est pas nécessairement du fluo, du pastel, puis des cheveux dans les airs, puis c'est juste... Ils n'ont pas tout le temps la bouteille de spray net à côté. Là. Et non, le monde, ils sont juste banal, ils sont juste habillés banal. Tu sais, je trouve ça rafraîchissant, ouais, de voir ça dans ce film-là. Mais ça n'en fait pas un bon film, puis c'est pas... Je sais pas ce que Steven en pense, c'est lui qui l'a suggéré, j'aurais été curieux, mais peut-être que lui, il trouve que c'est un classique, et moi, j'ai trouvé que c'était ben moyen. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je l'ai vu jeudi, puis je me souviens de rien, excepté la scène d'intro puis les photos du monsieur. Pour vrai... La scène d'intro, ça commence quand même de façon sauvage. J'ai fait « Oh, cool, OK, cool, on va avoir un slasher. Je savais que c'était un slasher, là. Mais j'ai pas vu l'original, j'avais pas vu le remake non plus. Je connaissais un peu l'histoire. Je savais, tu sais, je veux dire, de Stepfather, on comprend tout de suite là, de quoi qu'il va en ressortir. Mais j'avais rien vu de tel, puis je m'étais dit « Ah, cool, je suis pas encore assez blasé des slashers des années 80. La preuve, c'est quoi? C'est v'là 2 mois. » Que j'ai dit, j'avais vu Sweet Alice pour la première fois, puis que j'avais adoré. Ouais. Fait que non, je me sentais prête pour The Stepfather, et pourtant, je me suis ennuyée, je l'ai oublié, je suis désolée encore une fois, mais j'ai rien de négatif à dire dans le sens où je pense que, tu sais, je comprends qu'il est encore vu, je comprends qu'on peut le trouver, tu sais, on peut le trouver sur YouTube, là. Tu sais, je comprends qu'il est pas dans les films qu'on loue sur YouTube, parce qu'il y a des films des années 80 qu'on va louer, par exemple, le film de char, là, de Stephen King, là, avec les gros trucks, là. Christine? Ah non, Maximum Overdrive. Ouais, bon, Maximum Overdrive, lui, il est en location sur YouTube. Tu sais, je comprends qu'il y a un petit culte autour. The Stepfather, il est un degré en dessous, dans le sens où lui, tu peux le trouver pas très légalement, mais au moins en écoute sur YouTube. Non, mais sur Amazon, il y a un DVD à 24$, puis un Blu-ray à 33$. C'est comme très cher, là. Oui. Mais, tu sais, je veux dire, mais il est pas dans une section location, c'est ça, je veux dire. Le film, il est pas assez culte pour que YouTube prenne la peine de le retirer puis de le mettre en section location comme Maximum Overdrive. Mais le film s'écoute bien, mais je l'ai juste oublié instantanément. Ouais. Tu sais, je me souviens vraiment là, de la scène du début que j'ai trouvé quand même assez intense. J'ai fait, OK, tu sais, on va se permettre, là, OK. Puis, comme je te dis, les photos du gars, parce que c'est des photos de casting, c'était super évident, tu sais, c'était comme... tu sais, c'était vraiment trop stagé comme photo. Ça aurait pu être des photos, I check, il a prêt un barbecue avec l'autre famille, puis... Non, c'est des super belles photos stagées que la fille reçoit, fait que j'ai fait, OK. T'sais. Au début du film, tu parles souvent de la scène brutale, puis oui, c'est très sanglant, c'est très brutal, puis tout, mais il y a des photos de lui sur le mur avec sa famille qui l'a massacré. Mais je me disais, tu sais, avec ses cheveux hirsutes puis sa barbe, puis j'étais comme, sérieux, man, tu t'es fait, tu sais, je veux dire, t'as réussi ouais, à t'es avoir... fait avoir. Non, mais je veux dire, parce que je riais de sa barbe puis ses cheveux, puis je me dis, il avait l'air de ça, puis il a réussi à se trouver une femme, puis d'avoir une famille, puis de prendre des photos arrangées comme ça. Je la regarde avec des yeux réalistes, des yeux de... J'étais comme, il n'y a personne qui s'arrangeait de même. Là. Yeux de quelqu'un qui connaît l'information. Il y a ça quand même, le film. Ouais, c'est pas le look de l'acteur. La première image que tu vois de lui, tu la regardes, tu fais... Non, t'as juste l'air d'un gars avec une perruque puis une fausse barbe. Là, ben oui. Tu sais, je veux dire, le titre du film puis la première scène t'enlève toute forme de suspense. Ouais. C'est clair, net et précis, il n'y aura pas de suspense là. Mais tu sais, Halloween n'a pas de suspense, puis c'est efficace quand même. Oh, là, oui. On dirait que j'ai pas eu le petit stress d'Halloween. Ben, c'est pas... C'est un film sans éclat. C'est comme les vêtements des gens dans le film, c'est sans éclat. Ouais. C'est juste beige. Fade. C'est fade, oui. Bon, regarde, toi, tu dis beige, moi je dis fade, on dit la même affaire, là. C'est ça, c'est un petit slasher sans prétention. Je m'excuse, je mange du chocolat. C'est un petit slasher. Donc, un petit oomph pour devenir culte. Ouais. Mais je comprends qu'il a quand même passé au travers des années, tu sais. Parce que ce que Mom and Dad a voulu être, qui est t'as peur de tes propres parents, t'as peur des gens qui dorment sous ton toit, Stepfather l'incarne. Dans le sens où il y a de l'inquiétude pour la jeune fille, dans le sens où, tu sais, là, Alien, t'as peur dans l'espace, Jaws, t'as peur dans l'océan. Paranormal Activity, si t'as peur dans ta maison, ben, The Stepfather, t'as peur de la personne qui habite chez toi. Ben, oui. Je pense que le statement est mieux réussi dans celui-là que dans Mom and Dad. Je pense que c'est plus évident dans celui-là que dans Mom and Dad, que le but, c'est que t'aies peur des gens qui t'entourent, puis que tu dois te méfier des inconnus. Ben oui, puis tu sais, je réfléchissais durant le film, je me disais, y a-tu quelque chose de plus intrusif que ça, j'imagine, pour un adolescent, une adolescente, que tu sais, t'es en train de parler avec ta mère dans ta chambre d'adolescent qui est ton antre à toi, puis t'as cet inconnu-là que t'aimes pas, ben inconnu. Ce gars-là que ta mère... dont ta mère s'est amourachée, qui rentre dans ta chambre pour venir te parler, puis dire bon, ben, ça va-tu, puis tout, mais c'est comme, mais va-t'en, je parle avec ma mère, t'es qui, toi, tu sais? C'est ça! C'est très intrusif, ça doit être très dérangeant, je te connais pas cette situation-là, je l'ai jamais vécue, puis. Non plus. J'espère que mon enfant vivra pas ça, mais. Ça doit être ça doit être assez marquant, assez dérangeant, puis oui, durant le film, j'ai réfléchi à ça, j'ai pensé à ça, tu sais. Au moins, le film m'a amené sur ces réflexions-là, même si. Le scénario va pas au bout de ça. Là. Tout ce qu'il veut faire, c'est un slasher. Fait qu'il se lance pas dans les grandes réflexions non plus. Mais moi, j'ai vu que peut-être qu'il n'y avait pas assez de trucs sur lesquels réfléchir. Ben moi, je m'en créais des réflexions, je sais pas. Là, mais tu sais, comme le film t'introduit quelques malaises. T'sais, la scène de sexe est très malaisante. Oui, oui. J'ai trouvé ça intéressant, ce petit moment-là. T'sais, fait que je pense que le film est quand même maîtrisé. Mais simplement qu'en 2018, l'écouter pour la première fois, on est peut-être un petit peu trop ailleurs. On a peut-être un petit peu trop vu. Mais tu vois, le réalisateur a fait Les Nuits avec mon ennemi, avec Julia Roberts. Oui, oui, oui. Puis oui, ça, oui. Presque 30 ans plus tard, je pense que tous ceux qui l'ont vu à l'époque s'en souviennent. Moi, je m'en souviens. Oui. Je pense que ma blonde, on en parlait à un moment donné, elle s'en souvient aussi. Puis je l'ai juste vu une fois. À l'époque, j'ai vu un super écran ou quelque chose comme ça en 91, 90. Tu sais, j'avais 12, 13, 14 ans, là. Mais ce film-là était marquant. c'est un peu le même genre. Puis je pense que le gars a fait une spécialité de ça parce qu'il a fait aussi Le Bon Fils avec Macaulay Culkin. Oui, j'allais écouter dernièrement. C'est tout le même réalisateur. Puis tu sais, je pense qu'il s'est amélioré après The Stepfather. Il a peaufiné son style, là, puis il a réussi à devenir un genre de un gars vraiment de talent dans le film de malaise. Là, t'sais. Mais The Stepfather est presque là, mais il manque de quoi? Il manque quelque chose, t'sais. Mais on les sent, les malaises, comme tu dis, il y a des scènes de malaise, mais il manque un petit quelque chose. Moi, je trouve que la force du film, c'est encore là, très personnel, c'est les performances. Je trouve que, le beau-père et la fille. Puis c'est ça, il y a des petites scènes de malaise, ça, mais on le dit depuis tantôt, il manque un petit oomph, là. Oui, c'est ça, il manque juste un petit quelque chose pour être passé un peu plus à l'histoire que... Je connais ce film-là. Je connais trop dans les lieux communs, je trouve. Ouais, peut-être aussi, ouais. Tu sais, le psychologue, c'est ce qu'on voit dans tous les films de slasher. Tu sais, comme je disais tantôt, le personnage sympathique qui va être le premier à être la victime, tu sais. Parce qu'il a découvert la vérité, tu sais. On sait tout de suite à quoi s'attendre avec lui, tu sais. On sait tout de suite à qu'est-ce qui va y arriver à ce personnage-là. Quand on voit qu'il est sympathique avec la jeune fille. Ben, je me dis, ben, il t'offre pas, lui, là. Non. Mais, tu sais, on n'a pas beaucoup de backstory sur les autres familles non plus. Non. C'est bien quand même, là, parce que peut-être que ça aurait pu être gâché. Mais, je sais pas. Tu sais, pourquoi eux... En tout cas, mais, tu sais, c'est le film, là. J'aimais ça vers la fin du film. C'est un moment quasiment pivot, là. Où ce qu'il parle avec... il revient de son voyage dans l'autre ville. Il a commencé à placer des éléments pour sa nouvelle identité. Il revient dans la cuisine, puis il se trompe de nom, puis il fait... T'as plus, je suis qui, moi, ici? C'est sur le poster, tu sais. Où am I? J'ai adoré cette phrase-là, tu sais. Ça montre à quel point le gars, il est pas talentueux pour... Parce qu'il se rappelle pas de ses identités, mais je sais pas, ça m'a marqué ce moment-là. J'étais comme... Wow, OK. c'est sûr que ça... Tu sais, je me disais, Je vivrai jamais une situation comme ça parce que je suis pas comme ça, mais ça doit être... C'est vrai que ça doit être assez stressant puis assez mélangeant de vivre une vie comme ça, comme la sienne, parce que... Oui, je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, c'est juste... C'est pas vraiment un commentaire sur le film en tant que tel, c'est juste une... C'est pas une critique, là, c'est juste une impression que... Des impressions sur des scènes en particulier, mais... Quelle autre affaire que je voulais dire aussi? Ah, il y avait un aspect du personnage qui m'intéressait puis qu'on n'a pas assez élaboré pour moi. C'est son intérêt pour la vieille télévision des années 50-60 qui l'a façonné, dans le fond. Il dit avoir grandi un peu devant la télé. Il a appelé son premier chien Rin Tin Tin. On le voit maintenant écouter à la télé. Il écoute l'émission d'un épisode de Mr. Red, le cheval qui parle. Sérieux, si tu voyais ma face présentement, je me souviens fuck all de tout ça. Mais ma face, c'est un pas... énorme point d'interrogation. C'est parce qu'ils n'ont pas focusé là-dessus beaucoup, mais il en parle dans le film. Il dit... Lui, son idée de la famille idéale vient de la télé, je pense. Puis de... C'est ça de... Ah, mais c'est lui qui a détruit la famille. Oui. Le pire, c'est ça. Je me disais ça aussi vers la fin du film. Je me disais... Hey, ça marche pas ton affaire parce que c'est toi le problème, tu sais. Parce que ben, sans toi, ces familles-là sont parfaites. Ben, c'est ça. Ce que toi, tu rêves que ces familles-là aient, ben, ils l'ont, mais sans toi, tu viens tout gâcher. Ben, non, mais c'est ça. Parce que la jeune fille est heureuse. L'adolescente est heureuse avec sa mère. Puis à la fin du film, le dernier plan, il coupe la cabane d'oiseaux, puis il rentre dans la maison. Puis la porte en aluminium, la porte d'extérieur de la maison, a fait du bruit. Au début du film, ils ont dit on va demander à Jake de la réparer, tu sais, à son personnage à lui, au beau-père de la réparer. Mais finalement, ils l'ont pas fait. Puis ils sont bien heureuses avec cette porte qui grince là. Puis j'ai trouvé ça intéressant comme petit plan final, comme petit détail pour dire gars, ils ont pas réparé leur porte. Puis ils s'en calissent parce qu'ils sont bien heureuses ensemble. Puis c'est pas grave. Ben ouais. Tu sais, c'est ça. Pas besoin d'avoir une porte. C'est lui qui vient tout chier, tu sais, c'est ça, ouais. Là. Avec son idée de la famille parfaite, tout ça. Pas obligé d'être parfaite, tu sais. Non, juste supportable, des fois, c'est ben en masse. Mais non. Je te dis, je me souviens de rien. J'aimerais ça t'aider, mais je me souviens de rien. Je l'ai vu il y a 3 jours. J'ai aucun souvenir, excepté la scène d'ouverture et ses photos. Ben, je l'ai plus aimé que Mom and Dad, en fait. J'ai eu un meilleur moment, puis Je pensais m'endormir, tu sais, j'étais pas super réveillé quand je l'ai commencé, mais je l'ai écouté d'un bout à l'autre sans problème, puis... Mais je me répète, mais c'est à cause de l'acteur principal. Je le connaissais déjà, je l'aimais déjà beaucoup, fait que j'étais curieux de le voir plus jeune. Je pense que c'est le plus vieux film de lui que je voyais, fait que je suis comme... J'étais juste curieux de le voir dans un rôle principal à cette époque-là, puis il m'a pas déçu du tout, fait que c'est ça. Je trouve qu'il fait un bon... tueur de film, un bon tueur de slasher, t'sais. Un bon fou. T'sais, Sylvain Desmentis aimait les films de folle, ben lui, c'est un film de fou, puis il fait un bon fou. Ouais, c'est ça. As-tu vu le remake, toi? Non, non. Je serais peut-être curieux, là, maintenant que j'ai vu ça, quoique plus ou moins, là, t'sais. Ben, moi, je suis quand même curieuse. Je suis curieuse du traitement qu'on a fait, t'sais, parce que je te dis, il y a un traitement... Peut-être parfois un peu rapide, qu'on fait Mom and Dad est un exemple, mais il y en a plein, tu sais. Puis Seb ressortait 13 fantômes cette semaine, son traitement MTV. Puis je me demande s'ils n'ont pas fait un espèce de traitement excessif. Tu sais, parce que le film, je m'en souviens pas beaucoup parce qu'il est quand même slow, là, tu sais. Les scènes prennent quand même leur temps. Fait que je me dis, est-ce qu'ils sont allés dans l'excès? Je sais pas. Je sais pas. Ça pique ma curiosité, mais pas comme « Ah, forcément, je le vois », tu sais. C'est un réalisateur de télévision qui a fait le remake, puis qui a fait le remake de Prom Night aussi, que j'ai pas vu non plus, fait que je pourrais pas le dire. Ouais, c'est ça. Faudrait, comme, faudrait regarder la bande-annonce. Ils sont habillés plus chic, tu sais, ton le jean coton watté a-t-il été abandonné? Comprends? Oui. Ça, je pense que j'imagine que oui, c'est ça, la fille, es-tu hyper en avance sur son temps avec des décolletés, puis finalement, il chicane parce qu'elle peut pas sortir dans le même de la maison, tu sais. Il y a comme tout ça, là, le début des années 2000, là. Oui. Ah, tu me fais penser au petit copain de l'adolescente aussi qui était poche, l'acteur. Ouais, hein? C'est vrai, ça, je l'avais oublié. C'est vraiment mauvais. Mais c'est ça, l'autre, le beau-frère, ça sert à rien, son histoire. Tu sais, je voulais pas faire de spoiler tantôt, mais à la fin, le gars, il se fait tuer. Mais son corps est là dans la maison, puis je me disais, pauvre, tu sais, les deux femmes, ils savent pas partout c'est qui, ce gars-là. Non. Son histoire a eu aucun impact sur elle, sur leur histoire à eux autres, tu sais. Et tout ce qu'il a fait, ça a servi à rien. Il a essayé d'avertir qui que ce soit qui pourrait le connaître à travers les médias, les journaux, ça a servi à rien. C'est ça, tu sais, son personnage pourrait ne pas exister, puis le film, c'est parce que le film durait pas assez longtemps, j'imagine, puis je pense que peut-être ils ont rajouté cette histoire-là par après, ou vraiment à la dernière minute, là, dans le scénario, parce que c'est comme, on n'a pas assez de temps pour faire une heure et demie, tu sais. Ouais, peut-être. Parce que c'est vrai que ça tombe à plat très rapidement. Mais là, il arrive à un moment donné, en plein milieu, pas en plein milieu, mais tu sais, au premier tiers du film, mais tu fais, mais c'est, mais pourquoi c'est lui, puis le journaliste. Je m'en fous d'eux autres, là, tu sais, pis... Ouais, pis tu sais, la maison full délabrée, pis tout, ouais. Pis je suis comme, t'as peur, là, tu sais, c'est pas la première maison qui a un meurtre dedans, là, t'as peur, là, tu sais, y'a pas... Mais c'est ça, tu pouvais pas juste nettoyer, pis ramasser les corps, pis la revendre, ou non, c'est... C'est ça, non. C'est genre la maison du déshonneur. Non, mais c'est ça, c'est ça. Cette storyline-là sert à rien, en fait, absolument à rien. Fait qu'en gros, moi, ma recommandation, ça serait une location, parce que c'est correct comme petit film de l'époque, mais ça reprend les codes, toutes les beats typiques des slashers de l'époque, fait que aucune originalité, mais de l'acting correct dans les deux rôles principaux, puis... c'est pas le pire film non plus que j'ai vu de l'époque, là. Ça se laisse regarder, mais comme Vicky dit, c'est facile, c'est rapidement oubliable aussi, là. Je pense que dans quelques semaines, je vais l'avoir oublié. Ben, moi, je l'ai déjà oublié en bas de 3 jours. Ma recommandation, il est gratuit sur YouTube. Si vous le trouvez pas, attendez, il va revenir. Je suis sûr, c'est ce genre de film qui repop une fois de temps en temps. Peu d'intérêt. Si vous l'avez vu quand vous étiez jeune, vous avez envie de vous rafraîchir la mémoire, peut-être que vous le trouveriez plus intéressant que JF et moi. Mais pour une première écoute, peu d'intérêt. Donne-moi deux secondes, je vais juste vérifier s'il est sur iTunes. Ah, peut-être. Check ça là à l'instant. Parce que comme je dis, moi, une location, ça pourrait être pas pire là, pour la personne curieuse qui voudrait le voir. Je pense pas, je recommande pas de payer pour le DVD à 25$ ben ou le Blu-ray à 35$. Là. Il est sur iTunes, je vous donne le prix dans deux secondes. 4,99$. Ouais, c'est ça. Oh, c'est correct, je trouve. Tu sais, si tu veux renouer avec un film du passé, mais pour une première écoute... Puis le remake est là aussi. Ah. Au même prix aussi. Fait que c'est cela. On va continuer en chanson avant la finale de notre épisode, avant la... Qu'est-ce qu'on dit ça? Conclusion. Je cherche mes mots. On y va avec une chanson tirée de la soundtrack de Stepfather. C'est le groupe de Dive Vinyls et ça s'appelle Sleeping Beauty. Still waiting for my ship to come in. Still looking for the right kind of friend. Alors, en conclusion, je voudrais prendre deux secondes pour... là, on enregistre le dimanche soir, on est le 4 mars. je vois une alerte sur mon calendrier qui me dit que demain, c'est la fête à Pierre, le fondateur d'Horreur Gamer. Alors, je voulais souhaiter du fond de mon cœur une bonne fête, Pierre, en avance, mais tu vas l'entendre en retard si tu écoutes l'épisode. Fait que, bonne fête. Et je voudrais faire aussi un shout-out à nos Patreons qui ont droit à un shout-out. On a Véronique. Salut Véro! Allô Véro! Qui nous écoute live presque tous les dimanches. Tous les dimanches qu'on enregistre. Puis on a aussi cette fois-ci Pascal Cyr qui a droit à son shout-out. Shout-out Pascal! Allô Pascal! Merci beaucoup de nous encourager avec les Patreons. C'est vraiment, vraiment gentil de votre part. Là-dessus, ben c'est ça, on n'a pas d'idée pour le prochain épisode, je pense. Non, il semble qu'on n'avait rien décidé. Vicky, non, mais vu que c'est tout le temps toi et moi, ben c'est tout le monde qui va choisir les films. Non, c'est pas. Il n'y a pas de démocratie. Okay. Non, fini. Non, okay. Après mon deuxième verre de vin, je n'accepte plus la démocratie. C'est parce que Seb nous écoute, là. Je sais pas. Ma colise, c'est... Non, mais c'est juste parce que je te disais, en dehors du podcast, que ça fait quand même 3 épisodes que je fais avec tous des films qui m'intéressent pas. Oui. Puis je participe quand même, mais vraiment, tu sais, moi, le poil de la bête, là, ça me tentait zéro focal, mais j'ai pas voulu vous enlever votre momentum. J'ai absolument rien dit, mais pour vrai, ça me tentait focal. Puis c'est moi qui ai eu le plus de plaisir parce que moi, c'était pas ma première écoute, mais en tout cas, écoutez l'épisode, vous allez entendre. Mais, tu sais, c'est ça. Puis l'autre épisode d'avant, c'était le film de Demi Moore, puis l'autre. Fait que, tu sais, c'est comme ça fait 3 épisodes de suite que je me tape des films qui me tentent so-so. Quoique The Stepfather, il me tentait. Tu sais, c'était quand même un film dont j'avais entendu parler. Fait que je trouvais qu'il était dans ma liste de films à voir. Fait que lui, moins. Mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Ça fait 3 épisodes que je suis là avec des films qui me tentent zéro. Est-ce que je vais décider pour faire un film? Ouais, décide le prochain film, puis moi je vais suivre. Moi, ça, ben, je vais suggérer de quoi, on verra. Mais ça, on décidera ça en gang, là. En privé. Ouais. Ben là-dessus, tout le monde qui nous écoute, merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Vicky, d'avoir été là ce soir, fidèle au poste et. Prêt au combat. Puis, ben, on se revoit dans quelques semaines. Et ciao tout le monde, gardez ça horreur! Yeah.